Salut tout le monde et bienvenue sur la POC, nouvelle édition en ce 1er février 2018 au moment de l'enregistrement. J'ai bien gagné de l'animateur et avec moi cette semaine pour une émission spéciale sur son club à lui, l'Avalanche du Colorado. J'accueille le plus beau des hommes laids, Mike Tremblay, bonjour! Salut JB, comment ça va? Ça va très bien toi? Ah, ben, si tu parles au niveau de mon équipe, ça va pas super bien depuis quelques matchs, mais à part ça, ça va bien. La santé est là, tout, ça va bien. Veux-tu qu'on compare? On va se consoler. Oui, ben, toi, ouais, c'est ça, t'es un partisan du Canadien, toi. Hein? Ben, moi, par la force des choses au Québec, t'as pas ben le choix de suivre plus le Canadien. Ah, c'est OK, pas obligé d'être partisan du Canadien. C'est normal qu'on les suive parce qu'on les voit à la télé. OK, OK. Exact, c'est ça. Dernière fois, j'étais allé au Centre Bell, c'était pour la game contre les Oilers d'Edmonton. Puis les Oilers marquent le premier but. Je me mets à applaudir. Là, mon oncle me regarde. Puis lui, c'est un vrai partisan du Canadien de Montréal. Je dis, t'es-tu vraiment en train d'applaudir le club? Non, je me suis trompé. Ouais, ben justement, j'ai subi le même sort le mardi passé. J'étais au Centre Bell avec mon chandail de l'Avalanche, bien fier. Puis finalement, je me suis levé que deux fois sur 8 buts. Fait que non, ça finit 6-2, 5-2? Je pense que c'est ça, ouais. Ouais, ils sont fait rosser, en tout cas. Ouais. Ils sont fait dominer sur tous les aspects du match. C'était pas beau à voir, là, malheureusement, non, pour les fans de l'Avalanche. Là. Ouais, mais moi, c'est, une affaire que je dis, c'est toujours plus le fun. Parce que j'ai été voir une coupe de game de la Ligue nationale dans différentes arénas, puis je trouve ça toujours plus le fun quand l'équipe locale gagne, parce que la foule est dedans, c'est plaisant. Là, c'est sûr que quand t'es un fan fini d'un club, puis que tu vas le voir à l'étranger pour ce club-là, ben tu te retrouves en minorité, puis si en plus le club que toi tu cheer perd, ben c'est un peu plus tough, là. En plus, j'étais dans la zone des jardins, puis je savais pas que après la deuxième période, après la zone des jardins, t'as la bouffe compris gratuitement. Donc, oui. T'arrives là, tu colles la pizza, puis tout ça, pas la bière évidemment, juste la bouffe. Ça cause qu'aussitôt que c'est drôle qu'ils donnent pas la bière alors que c'est le fournisseur, c'est le propriétaire du club. En tout cas, puis immédiatement après que l'intermission entre la 2 et la 3 est terminée, bang, on ferme tout. Parce que moi, je m'étais dit, je suis pas fou quand même. Je vais attendre au début de la 3e. Tout le monde va partir. Je vais pouvoir aller me chercher un smoked meat ou bien une pointe de pizza. Mais finalement, ils ont tout fermé les barrières. Tout ça, tout est fini. Donc, semblerait qu'après la 2e période, plus personne n'a le droit de manger au Centre Bell. C'est terminé. Fait que c'est bouffe comprise, mais sur le 2/3 de la game. Voilà. T'as, comme le tiers de la game que t'as pas le droit de manger. Là, c'est ça, hein? C'est comme, ben écoute, l'hôtel, là, c'est le fun. L'eau est comprise, mais juste la froide. Oui, c'est ça. T'as le droit de douche, mais juste comme 2 minutes d'eau chaude. Le reste, on te le coupe, là. C'est comme, voyons. T'as une Ferrari, mais t'as 2 piastres de gaz. Amuse-toi, ouais, le gros. Tu peux y aller, là. Donne 2 coups de gaz, c'est fini, il est vide. Ça va bien. Hey, Mike, avant de commencer d'enregistrer, tu me dis, hey, je prends une pause, je vais aller m'ouvrir une bière. Moi, je bois une savoureuse Sapporo. Toi, qu'est-ce que tu bois ce soir pour l'enregistrement? Hey boy, c'est sans surprise que les auditeurs du Super Métazoïde qui m'entendent pendant la POC vont découvrir que je bois une bière du Trou du Diable, qui est la Capitaine Simcoe. Donc, c'est une de mes bières préférées. Elle achève, c'est une bière de saison. Là. Elle a débuté vers la fin de l'été, début de l'automne. Puis là, il n'y en a plus. Là. C'est pas mal dans les dernières bouteilles. Là. Cool. Ouais. Ouais. D'entrée de jeu, je pense que la première affaire qu'on peut te demander, Mike, c'est de te positionner un petit peu pour les auditeurs. Ceux qui ne te connaisseraient pas veulent te découvrir. Ils veulent comprendre pourquoi tu es mon invité. Et ceux qui te connaissent, ben ils vont triper sur le fait que tu vas plugger tes différents projets. Fait que je laisse la place, pars avec la POC, mets-le top net. Mais avant de parler de podcast, je suis un ancien joueur de hockey. Je suis un gars qui a joué longtemps, qui a toujours trippé au hockey. Puis c'est pour ça que ça m'honore de venir faire un tour à ton show, parce que je l'écoute régulièrement. Ben, y a des bouts que je le manque. Puis mais quand je l'écoute, puis je t'envoie des questions. Puis j'adore ce sport-là. Ça fait partie de mon ADN. Mais au niveau de évidemment des gens qui écoutent le podcast en ce moment et qui me connaissent, c'est que j'ai 3 projets de podcast actuellement. J'ai le Super Métazoïde. Bienvenue dans le club de ceux qui en ont 3. Bienvenue dans le club de ceux qui n'ont pas de vie. J'ai le Super Métazoïde, qui est un podcast d'opinion. J'ai le podcast Presque Parfait. Le Super Métazoïde, qui est une fois par semaine, tous les jeudis 20h, le podcast y sort. Après ça, j'ai le podcast Presque Parfait, qui est rendu très, très, très, très peu régulier, mais à peu près une fois par mois avec ma blonde Joby, puisqu'on parle de problèmes de couple ou de sujets de couple. Et c'est l'équivalent du magasin général pour... Mais entre 2 personnes qui s'aiment. C'est la seule différence. C'est la même affaire, mais... Ben, il t'aime pas mal. Ton co-animateur, il te le dit souvent. En tout cas. Mais il me licherait pas, mettons. Non, non, c'est ça. Non, non. Je te le souhaite, en tout cas. Je le souhaite. Mais il est bien gentil. Ben oui. J'avais parlé du magasin général, puis il a pris le temps de m'écrire pour me remercier. Puis, mais il m'a même invité à un match de l'Armada, par exemple. Puis, oh, il est très bon, Jack. Sympathique. Oh, oui. Puis mon dernier projet, ben, c'est mon petit bébé. C'est le tout dernier. Il s'appelle le Big Four. Évidemment, ça fait prétentieux, mais j'ai réuni Yann Thériault, Daniel Mascotte en direct de nulle part, Yann Thériault du Stream et Frank Paquette du Crachoir dans le même show. C'est un show d'opinion. C'est un peu prétentieux de dire qu'on est le Big Four, mais on est trois grands gueules, assez pesants, pas seulement dans le monde de l'humour, mais physiquement aussi. Fait que tout fonctionne. Le titre était bien approprié pour ça. Puis ceux qui nous aiment pas, ben, ils nous appellent les Traveling Wilburys Podcast. C'est parfait aussi. On ben, aime ça de même. Moi, je me dis pour me réconforter que j'étais cinquième. J'étais sur le bord. J'étais à ça de faire la cote. Ah, t'étais pas loin. T'étais pas ton nom, il est-tu sorti? Je pense qu'il avait sorti, hein. Je sais pas si tu l'as écouté. Je sais pas, mais... je pense que oui. Parce qu'il y avait une question qui disait si on enlèverait un dans des quatre, ça serait qui, puis on le remplacerait par qui. Puis finalement, ben, c'est moi qui serais remplacé. Oui, ouais. Mais je sais pas si mon nom il était sorti. Là. En tout cas, peu importe, super bon show. J'ai écouté la première, puis j'aime la vibe. Fait que longue vie au Big Four. Yes, sir. On a bien du fun. Écoute, j'ai été à l'école avec un des gars de la gang. Ça veut pas dire de quoi. Oui, on a fait le CRTQ ensemble. On était dans la même cohorte. Oh, wow. Oui, ils s'en vendent pas. Non, mais là, il vieillit, là, il ramollit Frank. Là, il sort de plus en plus ses émotions avec sa blonde Nini dans le crachoir. Là. Ça lui fait du bien. Là. Ça lui donne un peu de valeur en tant qu'être humain. Là. Parce qu'avant, il avait l'air d'une grosse roche qui bougonnait. Là. Une vidange. On l'aime bien, notre Frank. Ben là, oui. Mike, donc, les présentations sont faites. On a établi le personnage. On sait qui est avec nous sur le show. À cette heure, parlons de l'Avalanche Colorado et... D'habitude, je mets ça en fin d'émission, mais là, cette semaine, les auditeurs se sont dépassés. Les questions, pour vrai, ça met super bien à la table. Ah ouais. Y a Simon Michaud qui te demande, Mike, qu'est-ce qui te garde attaché avec l'Avalanche à cette heure qu'il ne reste plus rien de Québec avec ce club-là? Hey, c'est une bonne question. Évidemment, là, je vais faire le parallèle. Oui, je suis l'Avalanche du Colorado parce que je suis un ancien partisan des Nordiques. Mais on dirait que j'ai comme vu cette équipe-là évoluer. Puis lorsqu'ils sont arrivés au Colorado, ils étaient tellement performants. Puis tout le temps, j'ai le mot en anglais, contending. Là, des aspirants. Aspirants à la Coupe Stanley à chaque saison. Puis à un moment donné, quand ils ont eu la baisse de régime, on parle des années, mettons, début 2000, où ça a moins bien été de leur côté. Mettons, la nouvelle garde était pas prête. Ils ont fait des mauvaises décisions. Là, j'ai vu comme le creux de vague. Je me suis dit, ben, tout ce qui descend remonte à un certain moment donné. Oui, j'attends toujours, mais c'est un peu ça qui me garde un peu fan. Tu sais, je vois l'évolution de joueurs qui ont repêché, des transactions. Tu sais, c'est un peu comme si on suivait un petit bébé qu'on laisse grandir. À chaque année, il évolue. Des fois, il y a des bons, des moins bonnes passes. Mais tu sais, on continue quand même à voir son évolution. Puis à l'encourager, puis c'est un peu ça qui fait que ça me... Puis en plus, c'est ça, le futur, il est quand même beau du côté de l'Avalanche, là. Tu sais, c'était peut-être pas ça, là, 4 ans, là. Ben, 4 ans, oui, mais là, 2-3 ans, là, c'était un petit peu plus morose, mais cette année, on sent vraiment que les nouveaux joueurs qui ont été repêchés, les nouvelles acquisitions de l'équipe, on s'en va vraiment vers de quoi de très positif, là, à court terme. Mm-hmm. Moi aussi, quand j'étais jeune, tu sais, je viens du Lac-Saint-Jean, fait Québec, c'était les Nordiques. Il y avait la moitié de la population qui prenait pour les Bleus, l'autre moitié pour les Rouges. Moi, j'étais entre les deux. Je prenais pour les deux clubs. Puis quand Québec a déménagé au Colorado, c'était un de mes premiers coups de foudre en termes de sport. L'Avalanche Colorado, première saison dans la Ligue, Patrick Roy déménage, tout est là, le conte de fées. T'arrives à la fin, puis il gagne le gros trophée. Starter une franchise de même, là, c'est pas piquer des verres. Là, peut-être cette année, Las Vegas, étant premier dans leur division, aurait les chances, peut-être, de faire ça, mais c'était quoi de jamais vu? Là? Un nouveau club qui débarque, puis go! On est meilleur de la Ligue. Ouais, mais il y a eu d'autres belles histoires aussi. Juste en 2001, Raymond Bourque. Tu sais, en 2000, il arrive avec l'équipe. Il a jamais gagné la Coupe Stanley. Il demande une transaction avec les Bruins après 20 ans de loyaux services. Les Bruins qui décident de l'envoyer vers une équipe, justement, qui est aspirante à la Coupe. En 2000, il perd en finale de conférence contre Dallas. Donc, hyper déception. On se dit, bon, ben, Bourque, vas-tu annoncer sa retraite? Finalement, non. Il revient pour une dernière saison. Puis quand il disait dernière, il pensait vraiment. Mm-hmm. On a senti vraiment cette équipe-là en mission. Tu sais, les Rob Blake, eh ben, il avait toute une équipe, là, on s'entend, là. Mais tous les joueurs qui étaient sur la patinoire voulaient gagner la coupe pour Raymond. Je me rappelle, il y avait tout un collant sur leur casque avec un 16 puis un W en disant ça prend 16 victoires pour Raymond, ça prend 16 victoires pour atteindre la Coupe Stanley en série. Puis ils ont gagné ça en 7 matchs contre les Devils, un match incroyable en plus. Puis de voir Raymond lever la Coupe Stanley puis se mettre à pleurer, puis c'est un des plus beaux moments. J'ai pleuré moi aussi, ouais. Je vais t'avouer. Là. Je me souviens avoir vu ça en direct à la télé, de voir Joe Sakic. Puis la tradition veut que c'est le capitaine qui lève la coupe en premier. Et il l'a même pas monté au bout de ses bras. Il l'a pris, puis il l'a donné tout de suite. C'était vraiment pour Bourque. Ouais, mais c'est ça. Le capitaine est obligé de prendre le trophée en premier des mains du président de la Ligue. Mais après ça, tu l'as vu, il l'a pas soulevé dans les airs comme on voit chaque capitaine le faire. Il l'a donné dans les mains de Raymond. Raymond l'a levé dans les airs. Puis la petite tape en voulant dire, tiens, vas-y mon Raymond, c'est ton moment. T'as travaillé toute ta carrière. On parle d'un joueur de hockey, là, un gentleman, un gars comme Raymond Bourque qui s'entraînait religieusement. C'était pas un gars qui faisait du trouble. T'sais, c'était pas un... On s'entend un Chris Chelios ou un autre. T'sais, c'était un gars qui... Sa vie, c'était sa famille puis le hockey. Puis il méritait cette Coupe Stanley-là. Puis c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu dans ma vie, tout sport confondu. Évidemment, c'était mon équipe. C'était un double dipping, comme on dit. Là, mm-hmm. Mais c'est toutes des petites histoires de même qui fait que cette équipe-là, je l'ai à cœur maintenant. Puis qu'elle ait connu des bonnes ou des moins bonnes saisons, ça reste que c'est mon équipe. Je suis accroché à elle. Puis j'ai plein de souvenirs d'eux autres. Justement, j'ai un cadre dans mon bureau juste à côté de moi, qui est la photo autographiée de Raymond Bourque, qu'on le voit à côté de la Coupe Stanley, puis toute l'espèce de photo d'équipe là, lorsqu'ils se réunissent au centre de la glace avec la Coupe Stanley. J'ai plein d'articles comme ça qui fait que j'oublierai jamais ces moments-là, puis ça va me suivre jusqu'à mon lit de mort. Là. Un peu d'amour. Ah, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour et de nostalgie, parce que c'est ce genre d'événement-là, je sais pas si je vais le revivre avant ma mort, mais bon, je l'espère. J'adore cette équipe-là de tout mon cœur. C'est pourquoi que je comprends les partisans du Canadien qui sont émotifs. Il y en a qui sont trop émotifs, on s'entend, là, mais je les comprends. C'est ça, aimer une équipe. C'est ça de mettre tout de côté un soir pendant 2h30 pour écouter un match, pour encourager nos joueurs préférés, au point de se fâcher quand ils perdent, d'être hyper heureux quand ils gagnent. Ça fait du bien. C'est thérapeutique, un match de hockey. Ouais. Jerry fait demander d'où ça devient cet amour-là du club. C'est juste le fait d'être né à Québec ou même avant que ce soit l'Avalanche Colorado, il y a des moments qui ont marqué ta jeunesse et qui t'ont fait suivre le club des Nordiques au lieu du Canadien? Non, mais je suis même pas né à Québec. J'ai habité à Québec. Oui, tu viens de Port-Cartier, c'est vrai. Excuse-moi. Non, c'est ça, je viens de la Côte-Nord, mais c'est pas grave. Ça explique pas le pourquoi. Dans ma famille, tout le monde prenait pour le Canadien. J'étais un petit peu rebelle. J'ai dit, quand j'étais plus jeune, j'ai dit, m'en prendre pour l'autre équipe. J'ai trouvé cool avec leur fleur de lys sur les épaules parce que ça ressemblait justement au drapeau québécois. C'est un peu pour ça que, je sais pas, mon premier coup de foudre a été pour le chandail en premier. Ça a tombé dans les grosses années avec Peter Stachny. Ben, les frères Stachny, dans le fond, Dale Hunter, Michel Goulet, Daniel Bouchard dans les filets. Puis on avait éliminé le Canadien cette année-là en plus. Je pense à 82-83. J'étais jeune, j'avais 7 ans. Là. Mais c'est vraiment mes premiers matchs de hockey que j'ai écoutés à l'époque où la soirée du hockey était à 8h et ça finit à 11h15. Ça, c'était des grosses veillées de hockey. C'était le fun. Maintenant, ils font jouer des games de hockey avec des pauses toutes... C'est tout calculé ça, pour que ça dure le moins longtemps possible. C'est plate. Dans le temps, ça me semble que c'est plus le fun. Là, okay? C'est plus émotif. C'est pas une gang de chums qui jouait un contre l'autre. Il y avait vraiment des vraies rivalités puis des bagarres. Puis, ça ressemblait vraiment à une vraie bataille, là, une vraie guerre. Puis à la fin, il y avait un gagnant puis il y avait un perdant. Il n'y avait pas de point de communiste. Là, t'as gagné en prolongation, te donne un point. C'était pas ça. T'avais deux points, tu n'avais pas pantoute. C'est un peu le hockey que j'aime, là, que j'aimais dans le temps. Là. Ça a beaucoup changé depuis ce temps-là. Là. Mais j'aimais ça dans ce temps-là. Me semble. Les games étaient plus longs, puis les soirées étaient plus longues aussi. Puis, à cet âge-là, là, ben, mon grand-père me donnait la permission de me coucher plus tard. Fait que moi, ça faisait triper le samedi soir là, de me coucher à 11h15 là, quand j'avais 8 ans, 9 ans. Là. Check ça, les enfants à 8-9 ans qui se couchent à cette heure-là. Il n'y en a pas une tonne, mettons. Pour vrai, je t'écoute parler, puis je fais comme... Ouais, c'était ça. Moi aussi. Le hockey, c'était avec mon grand-père. C'était pas mon père. C'était vraiment avec mon grand-père. J'allais la fin de semaine chez eux. Puis c'était une religion. Là. On avait le droit de prendre le contrôle de la TV pendant l'entre-période. Puis à la seconde, ça recommençait. Merci, bonsoir. On reperdait le contrôle de la télé. C'était le bonhomme qui avait la télécommande. Puis il est mort aujourd'hui. Là, il espérait donc voir le Canadien gagner une coupe parce que lui, c'était un fan du Canadien. C'est. Ouais, tu me ressasses des très beaux souvenirs, Mike, à soir. Ben oui. Puis moi, j'avais, comme je te dis, à l'époque, j'habitais à la Côte-Nord. Fait que quand il arrivait à 8h moins quart, ma grand-mère, elle sortait son kit de tricot. Elle allait dans le solarium en avant. Solarium, elle s'assoyait en se berçant, elle faisait son tricot. Puis elle écoutait les demandes spéciales de Rimouski, là, les demandes spéciales country là, qui passaient le samedi soir. Là. Elle écoutait ça toute la soirée. Pendant nous autres, on écoutait le hockey dans le salon, moi, mon grand-père puis mon oncle. C'était une tradition. On faisait ça en famille et on avait bien du plaisir. Hey, tu me fais penser. Moi, j'ai travaillé quelques années à Havre-Saint-Pierre, donc encore plus creux sur la Côte-Nord. Puis pendant un bon bout de temps, il n'y avait pas de route qui se rendait jusqu'à là. T'sais, passé cette île, il n'y avait rien. Et on me contait, là, les vieux de la vieille du village me contaient que il fut un temps où est-ce que les games du Canadien, parce que là-bas, c'était le Canadien, le club, ils recevaient les tapes. Oh oui. Il n'y avait pas le câble. Il recevait les tapes droppées par avion trois jours après la game. Il y a comme Elvis Gratton qui écoute la game de baseball à Cuba. Là. Wow. C'est à peu près pareil. Là. Il me contait ça, puis je fais comme, quelle autre réalité. Puis là, on parle des années 60. Là, je pense. La route, c'est genre en 68 ou en 69 qui est arrivée. Fait qu'avant, tu sais, c'est presque des années 70, là, en tout cas. Des affaires assez incroyables, là, d'écouter la game en retard. Toujours en retard, ça n'a pas de bon sens. L'avion qui droppe la cassette, je ne voudrais pas être le gars qui manque la cassette, puis qu'elle tombe à terre, puis qu'elle casse. Hein? Tu veux peut-être quand tu reviens à la station de radio, c'est échappé. Ouais, tu veux l'autre, tabarnane, pas de game à soir encore. Ben you had only one job. Attrape la cassette. Il y a d'autres questions. Il y a Jerry encore qui demande c'est qui ton joueur préféré de l'histoire de la franchise et dans l'édition actuelle? L'histoire de la franchise, c'est mon idole, c'est Joe Sakic. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va égaler le talent, le patin, le genre de joueur qui, en patinant, faisait un lancer du poignet aussi rapide qu'un slap shot. C'est incroyable, ce gars-là. Il avait tout le sens du jeu, le sens du marqueur. Il avait tout. C'est le full equip. Un gars qui a été repêché, je pense, 8 ou 9e au total. C'est même pas dans le top 3. Tu regardes la carrière de Joe Sakic, tu pourrais dire, Chris, il était repêché 1, 2 ou 3. Non, je pense qu'il était 8e ou 10e. Les Nordiques avaient un premier choix cette année-là, avant ça. Puis il avait repêché, si je me trompe pas, c'est-tu Brian Fogarty ou Daniel Doré, là? Tu sais, ça avait pas rapport, là. Puis il avait échangé Dale Hunter aux Capitals de Washington pour avoir le premier choix des Capitals. Puis ça avait été Joe Sakic, justement. Tu sais, dans le fond, il y a des partisans qui chiolaient que Dale Hunter, c'était comme l'arme des Nordiques à l'époque, tout ça, mais on l'a quand même échangé. On l'a pas échangé contre un Taouin. Le 15e au total du draft 87. Hey, 15e. Imagine, moi, je disais 9-10e, 15e. Ça, n'importe qui aurait pu mettre la main. Je sais pas si c'était les autres choix, les autres équipes avant là, qui ont repêché. Là. En fait, Boston a repêché 14e, les Islanders, Saint-Louis, Détroit, les Rangers, Québec, Brian Fogarty okay. Au 9e rang. Wow! Puis, ouais. C'est ça. T'sais, Brian Fogarty a joué dans la ligue, mais rien comparable de Joe Sakic. T'sais, le seul qui dans. Ben, il y en a quelques-uns, il est très bon. Le Pierre Turgeon est sorti premier. Brandon Shannon, deuxième. Il y en a. C'est une excellente cuvée aussi, là, mais Joe Sakic, à ce moment-là, il y avait 21 clubs dans la ligue. Donc, on parle de 15e choix. C'est milieu-ish, presque fin de première ronde. Ouais, mais il était petit, hein. Il y a Joe Sakic, il était Mick Grichon, puis lui, je me rappelle, il était arrivé à Québec, puis c'était Michel Bergeron le coach, puis il y avait le numéro 88, Joe Sakic, au début, dans sa carrière, puis Michel Bergeron lui avait dit, non, ça c'est un numéro qui est réservé pour une certaine vedette, puis tu vas prendre un autre numéro. Finalement, il avait pris le numéro de Steve Eiserman, le numéro 19, un joueur qui l'a influencé énormément, qui l'a inspiré énormément, ça fait que... Sakic a joué peut-être, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de games avec le 88. Là, ou peut-être la première saison complète, mais pas beaucoup de matchs avec le 88. Je sais pas si on préparait Eric Lindros du côté de Québec, là, mais on l'avait encouragé à enlever son 88. Là. OK. Mais écoute, ça, c'est. T'es dans des histoires que moi, j'ai pas souvenir de ça, là, mais. Moi, mon joueur, c'était Forsberg. Là. C'est, ah, ben oui, une bête. Tu sais, c'est cette époque-là, là, où est-ce que même les joueurs étoiles étaient des bullies, ça glace. Peter Forsberg, t'es pas le plus gros, mais tellement sournois, tellement dur physiquement, tellement des habiletés, des mains. C'était magique. Moi, c'est le joueur qui a marqué mon enfance, de le voir patiner les cheveux au vent d'un warm-up. Mais c'est aussi la clé de la transaction d'Eric Lindros. Oui. Tu sais, quand ils ont échangé, les Nordiques ont échangé Lindros à Philadelphie, on connaissait la plupart des joueurs, tu sais, Kerry Hoffman, Ron Extall, Mike Ritchie, tu sais, on les connaissait tous un peu. Mais il y avait ce fameux joueur-là qui était, semblerait-il, un talent incroyable de la Suède qui s'appelait Peter Forsberg. Puis on se disait, bon, on a hâte de voir. Tu sais, un choix de première ronde, je pense qu'il était dans le top 10 de première ronde par Philadelphie. Puis lorsqu'il est arrivé à Québec, ça a été instantané, le talent tout. Il était maigrichon au début, mais tu sais, je me rappelle, dans le milieu de sa carrière, dans le pic de sa carrière, il jouait aussi physique, il avait pas peur de jouer physique. Puis ça a été mon deuxième joueur préféré de l'histoire de l'Avalanche. Mm-hmm. Pour répondre à ta question, le joueur actuel, je surprendrai pas personne non plus en disant Nathan McKinnon, qui est un joueur incroyable. Probablement l'héritage de Patrick Roy, le court passage de Patrick Roy au Colorado. Parce qu'on se rappelle que Colorado avait besoin de défenseurs. On pensait mettre la main sur Seth Jones. Puis c'est vraiment Patrick Roy qui connaissait McKinnon. Il avait évidemment coaché contre lui dans le junior majeur. Puis il avait dit non, moi je veux Nathan McKinnon en première ronde. C'est lui que je veux, puis c'est lui qu'on va choisir. Finalement, ben aujourd'hui, ben ça commence à payer là, dans son cas. Là. Malheureusement, il est blessé. Là, on a appris aujourd'hui qu'il était blessé au haut du corps 4 à 6 semaines de. Qui c'est plate pour le pooler qui l'a choisi parce que jusqu'à date c'était des bonnes stats. Ben, 61 points en 49 matchs, une excellente ouais. production, deuxième pointeur de la ligue. Ça va faire mal à ses performances parce qu'il y a des gens qui spéculaient déjà que Nathan McKinnon pouvait s'enligner vers un heart pour le joueur le plus utile de son club. C'est vous dire l'impact que ce gars-là a pu avoir sur l'équipe. Et je pense que écoute, il y a comme un éléphant dans la pièce là. On va le regarder, on va le viser, on va l'abattre à coup de shotgun. Faut parler de la transaction de Matt Duchesne parce que depuis ce temps-là, l'Avalanche c'est un club pas mal différent. Et Nathan McKinnon, les ailes c'est comme un papillon après avoir passé par le stade de la chenille. Les ailes se sont déployées puis il est parti à voler. Je veux que tu me parles de cette transaction là. Tu sais, il y avait des rumeurs. Du départ éventuel de Duchesne, y croyais-tu, puis t'attendais-tu un retour à ce niveau-là pour Joe Sakic puis pour l'Avalanche Colorado? Matt Duchesne, ça fait 3 ans qu'il se laisse aller dans la vague un peu. On l'a connu, vraiment un clutch player, un gars avec des habiletés incroyables, du patin. C'est le gars qui avait le talent pour changer l'allure du match s'il voulait le faire. Malheureusement, on dirait qu'il est comme embarqué dans le moule, il est embarqué dans la vague, il a un peu de morosité. Il a connu une grosse saison, la saison justement, la première année de Patrick Roy. Je pensais que ça allait relancer sa carrière justement cette saison-là. Finalement, après, tu l'as vu, on dirait qu'il est un peu comme un caméléon. Il regarde les autres jouer, puis si ça va bien, il va bien jouer. Si ça va pas bien, il jouera pas bien. Puis on le voit, ce que ça donne à Ottawa, c'est à peu près la même chose. L'année passée, je vais te dire, à date limite, j'étais convaincu que l'Avalanche allait le transiger. Il était convaincu lui aussi, puis c'est pour ça que cette année, en début de saison, il était pas content de se présenter au camp d'entraînement. Il est arrivé avec une face d'air bête. C'est son agent qui l'a convaincu d'y aller, parce que son agent voulait même pas. Et au début, son agent lui avait conseillé de pas y aller. Finalement, il a parlé avec l'Avalanche, il a dit ah, okay, je vais me présenter pour les partisans puis pour l'équipe. Mais tu sais, c'était un poids, c'était pesant. Puis je peux te dire, j'ai parlé avec quelqu'un off the record. Pas un joueur, un gars qui travaille autour de l'Avalanche, puis me l'a dit, c'était le gars. C'est pas l'atmosphère que l'équipe a en ce moment, tu sais, parce qu'on savait que ce gars-là, il avait hâte de partir, il avait pas le goût de participer à ce projet-là, qu'est l'Avalanche de 2017-2018. Puis on avait juste hâte que ça se fasse. Il fallait juste que Joe Sakic ait son prix. Puis je vais t'avouer que la journée que j'ai entendu la transaction à 3 équipes, j'ai fait wow. Tu sais, Joe Sakic s'est fait beaucoup, beaucoup, beaucoup blâmer au cours des dernières saisons avec. Ses transactions avec les choix de repêchage, des fois on dirait que ça manquait de mordant un peu comme jeune joueur. Puis là, finalement, ben, ils ont fait une grosse transaction. L'arrivée de Samuel Girard, c'est inespéré dans le sillon de l'Avalanche parce qu'en plus, il y a 2 autres jeunes joueurs de défenseurs qui vont arriver bientôt du côté de l'Avalanche, qui ont joué avec l'équipe Canada. Ils ont vu au championnat du monde junior. C'est Trevor Timmins puis Cale Makar. Là, tu te retrouves vraiment là d'ici 2 ans avec un gros top 4 de défenseurs. En plus, rajoute Eric Johnson, tout ça. Ça va être malade. Là. Mm-hmm. Ils n'auront plus de problème au niveau de la défensive. Mais au niveau de la transaction, je suis pas surpris. Je suis surpris que ça s'est fait cette année. Je suis surpris de ce que Joe Sakic a eu en retour, parce qu'il y a eu beaucoup en retour. D'ailleurs, il y avait beaucoup de spéculations que Joe Sakic demandait trop. Ben oui, l'année passée, c'est pourquoi qu'il n'a pas réussi à l'échanger. Je pense qu'il demandait à peu près la même affaire ou sinon peut-être plus. Parce que du côté de la, ça, il semblerait-il qu'avec le Canadien, là, c'était bien parti, là, les discussions. Mais tu sais, on parlait de Sergachev, on parlait de voyons, comment il s'appelle, le joueur Galchenyuk. On parlait aussi de deux choix de repêchage. Il semblait que les Canadiens ont fait, non, là, c'est trop, là. Puis ils ont raison, le Canadien. Mm-hmm. Parce que je trouve qu'Ottawa et Nashville ont payé beaucoup pour les joueurs qu'ils ont reçus. Mais en tout cas, c'est sûr, Carl Turris, à Nashville, c'est une bête, là, ça fonctionne à merveille. C'est un bon call de la part de Nashville. Mais du côté d'Ottawa, on a vu ce que ça a donné. Ils doivent regretter un peu leur geste, mais malgré Turris ne voulait pas rester à Ottawa. Oui, mais tu sais, oui, perdre Turris, c'est une chose dans l'équation, mais aller chercher un gars qui produit pas. Juste pour donner une comparaison, là, parce que moi, j'étais de ceux qui disaient « touche pas à Matt Duchene avec une pole de 8 pieds ». Ce joueur-là, pour moi, je le trouvais poison, puis je trouvais qu'il offrait pas les performances à la hauteur de ce qui est de sa réputation ou de ce qui était supposé. Juste donner une comparaison. Là. Cette année, chez le Canadien de Montréal, Alex Galchenyuk a plus de points que Matt Duchene. Ah ouais? Ouais. Okay. On parle de 28 pour Galchenyuk contre 25 pour Duchene. Et l'an passé, Duchene, 41 points. L'année passée, Galchenyuk, 44. Ouais. Puis Galchenyuk est hautement critiqué chez le Canadien de Montréal par le club. Et de l'autre côté, il y avait des partisans qui étaient prêts à déshabiller le club pour aller chercher Matt Duchene. T'sais, pour moi, l'équation faisait pas de sens. Ouais, mais tu sais, les partisans de Montréal, je veux pas rien leur enlever, mais tu sais, ils voient pas beaucoup les équipes de l'Ouest. T'sais, nous autres, moi, c'est sûr que je voyais Matt Duchene au quotidien là, aller. C'est sûr que Matt Duchene, c'est un gros nom, puis on le sait qu'il a du talent, puis il patine vite. Puis on le voit au championnat mondial avec l'équipe Canada, avec plein de vedettes, puis il performe, puis on dit « Hey, ça, c'est le joueur qu'on aimerait avoir à Montréal. » Dans un club ordinaire du Matt Duchene, alors qu'il devrait jouer le rôle de la vedette qui se démarque puis qui porte le club sur ses épaules, il fait le caméléon, comme je disais tantôt. T'sais, si l'équipe va bien, il va super bien jouer. Si l'équipe joue mal, il va jouer comme une marde. Mm-hmm. C'est plate, parce que c'est le genre de joueur qui a tellement de skills pour justement traîner une équipe avec lui. Mais il veut juste pas. Il veut pas avoir cette espèce de responsabilité-là. Puis c'est plate parce que des crises à bonne main, il est très rapide. Puis c'est plate. C'est une carrière qui va être en dentine même jusqu'à la fin, malheureusement. Ouais, c'est ça qui va surfer sur les habiletés. Alors que s'il y avait le travail, s'il y avait le cœur, ben ça fonctionnerait, tu sais. Ouais, il manque d'émotion là, du côté de Matt Duchene. De l'émotion puis de la fierté, comme dirait l'autre. Ouais, tout à fait. On a Marc-Antoine Belair qui demande, en fait, à quel point l'échange, justement, de Matt Duchene, selon toi, là, ça a fait du bien dans le vestiaire? Ben, j'ai posé la question à Samuel Girard, il y a quelques semaines au Supermatozoïde. Puis lui, il n'était pas nécessairement au courant, malgré qu'il doit le savoir là, quand même. Il veut peut-être pas juste pas en parler, là, mais ça a apparu à partir du jour 1. L'équipe, quand la transaction s'est faite, l'équipe s'en allait en Suède pour une série de deux matchs contre Ottawa, justement. Puis au retour, on a senti déjà que cette équipe-là était plus légère. Il y avait plus de fun sur la patinoire. On a senti que les leaders, les Landeskog, parce que veux pas, ce club-là appartenait à Matt Duchene. C'était le gars le plus ancien, si on peut dire, là, dans les nouveaux joueurs. Là, dans cette, on dirait que c'est comme la vieille école de l'Avalanche, là, parce que là, on est parti sur une vague de renouveau. Mais c'est encore le club à Matt Duchene. Depuis que Duchene est parti, là, on sent que Landeskog et McKinnon ont repris cette équipe-là en main. Donc, en fait, OK, c'est notre équipe. On est jeunes, on est talentueux, on s'amuse. Parce qu'il n'y avait pas de fun. On le sentait qu'il n'y avait pas de fun sur la patinoire. Tu sais, quand tu joues avec un gars qui a pas de fun, là, c'est même si toi, tu veux bien, bien fort d'avoir du fun, là, ça te casse le fun pareil. Parce que, mettons, tu marques un but, tu vas voir le gars, « Hey, good job », le gars, il fait « Ouais, ouais, ouais ». Ouais, fuck you. Non, mais c'est ça, tu sais, quand on parlait d'émotion, c'est ça un jeu de hockey. Ben quand oui. Tu marques un gros but, tout le monde est content, ça te donne une bouffée dans le derrière. « Go, là, let's go, on lâche pas, on fonce, tu sais ». Mais avec un gars qui comme Matt Duchene, qui a juste hâte d'avoir un appel puis de se faire transiger, c'est sûr que la transaction a dû faire un gros soupir de soulagement dans la moitié, sinon le trois quarts de l'équipe, parce que faut le dire, là, il n'y a pas de leader solide du côté de l'Avalanche. Tu sais, Landeskog, c'est un bon capitaine, je pense, c'est un bon jeune joueur, c'est un gars qui est très droit, là, il est très solide, mais c'est pas un capitaine comme on peut connaître. C'est un vrai leader, un peu comme Patrick Roy, qui va se lever dans le vestiaire, va parler à tout le monde, puis tout le monde va s'asseoir, va s'écraser, va faire comme « Oh oui, monsieur, oui, on va se forcer, tu sais. » Landeskog, c'est plus un jeune, un peu à la Joe Sakic, qui va montrer plus l'exemple au niveau de la patinoire, au niveau de la forme physique, au niveau de l'espèce de leader silencieux. Là. C'est pour ça que le départ de Duchesne a dû faire du bien à tout le monde, puis tout le monde se sont mis à jouer au hockey. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui est capable de ramener le gars, puis que lui, il tire vers le fond, ben c'est sûr que c'est plus tough. Tu sais, je regarde le line-up, puis t'as Soderberg, puis t'as Como qui, en attaque, qui ont plus que 30 ans, puis en défensive, t'en as pas un. Là. C'est un club qui est quand même très, très jeune. Alors, si en plus, il n'y a pas de grosse tête qui balance un gars comme Duchesne, t'as pas été évident dans le vestiaire. Là. Non, c'est clair. Puis même, au cours des dernières saisons, les joueurs qui avaient le plus de possibilité de devenir capitaine, c'était un peu des têtes folles. T'sais, un gars comme Ryan O'Reilly, là, il y a 4 ans, là, avec l'Avalanche, là, moi, c'était mon joueur préféré à l'époque. Puis il manque beaucoup à l'Avalanche, by the way. Tu regarderas les statistiques de pourcentage de mise au jeu depuis que O'Reilly est parti, puis passe sa chenille, ça a tombé de 50% quasiment. Là. Mm-hmm. Je regardais le match hier, contre Vancouver. À un moment donné, c'était 29 à 14, les mises au jeu là, en faveur de Vancouver. Ça paraît, là. Tu sais, on parle du hockey, c'est un sport de possession de rondelles. Ça commence dès la mise au jeu, là. Ouais, mais, tu sais, en finale de la Coupe Stanley l'an passé, les Pingouins gagnaient moins de mises en jeu que Nashville, puis ils ont quand même gagné la Coupe, là. Fait que, oui, il y a de la possession de rondelles, mais je pense que c'est un facteur parmi tant d'autres. C'est pas l'ultime truc de la recette. Ouais, mais en tout cas, moi, je trouve que ça manque parce que c'est une équipe qui a besoin de gagner le contrôle de la rondelle pour s'amuser, prendre, parce que c'est une équipe qui fonce énormément à l'Avalanche en ce moment. Ils font des drives, lancent au but, ils reviennent rapidement parce que veux pas, ils savent que la défensive est moyenne à l'occasion. Mais tantôt, je parlais de Ryan O'Reilly. C'est juste pour te dire, au niveau des leaders, c'en était un, c'est un leader potentiel. Chris, à partir du moment où son contrat est devenu problématique, il est allé faire la greffe puis jouer dans la KHL. Tu sais, ça a tout été des leaders comme ça du côté de l'Avalanche. Puis c'est pour ça que ça manque de leadership. Et au moins avec Landeskog, ils sont sûrs d'avoir un capitaine qui est dévoué à l'équipe. Puis le départ de Duchesne a fait du bien là-dedans. Là. Moi, je suis pas mal convaincu que ça a apaisé vraiment tout le monde. Tout le monde se sont mis à s'amuser après ça. Mm-hmm. excuse-moi. Joe Sakic, là, tu sais, avec ce trade-là, il était très critiqué dans les médias. Il y avait beaucoup de pression. Critiqué par rapport à ses demandes, que c'était peut-être trop. Penses-tu que cette transaction-là, que ça fonctionne ou non, c'était comme son champ du cygne, dans le fond, que il gardait sa job à long terme, à moyen terme, si ça fonctionnait, puis elle perdait si ça marchait pas? Je sais pas si on devrait voir ça comme ça. Moi, je sais que si on fait le total tout de la carrière de Joe Sakic en tant que directeur général, c'est très moyen, là. C'est une grosse transaction et plusieurs mauvaises décisions, tu sais. Mais cette année, faut dire les vraies choses, cette année, il a pris des très bonnes décisions. Tu sais, juste la signature de Patrick Nemeth à la défense, qui était soumis au balotage par Dallas. Tu sais, il a signé André Ghetto qui est là, il est blessé André Ghetto, mais en début de saison, c'était un des meilleurs marqueurs de l'équipe. Tu sais, il a été chercher quand même des joueurs qui n'avaient pas de place avec leur équipe. Puis, vu qu'on était en bas de classement, on pouvait mettre la main rapidement sur ces joueurs-là. Après ça, avec cette transaction-là aussi, ben il a comme solidifié vraiment. Il a donné de la profondeur à l'organisation de l'Avalanche, sachant très bien ce qui s'en venait dans les prochaines années au niveau de l'attaque et de la défensive. Fait que de là dire qu'elle a sauvé sa job, je ne sais pas. Mais tu sais, l'Avalanche a été une série de mauvaises transactions au cours des 10 dernières années. Je sais pas si tu te rappelles de cette transaction-là. Tu sais, l'Avalanche, je sais pas vers quelle année, peut-être 2006, 2007, ah, peut-être 2008. Tu sais, on avait des joueurs comme Stewart, Shattenkirk comme défenseur. Tu sais, on avait échangé ça à Saint-Louis contre justement Eric Johnson puis deux autres joueurs qui sont jamais venus jouer à l'Avalanche. Tu sais, après ça, on a échangé Craig Anderson, on l'a échangé à Ottawa contre Brian Elliott qui a gaulé une saison au Colorado. Tu sais, il y a eu plusieurs mauvaises transactions qui a brisé cette équipe-là et qui a fait que Paul Stachny a sacré son camp. Puis là, on commence à rebâtir pour avoir de quoi qu'il y a du bon sens. J'espère juste qu'on a du côté de Sakic, qu'on paniquera pas si on se met à perdre pendant quelques matchs d'affilée, puis on va pouvoir solidifier un peu ce noyau-là, parce qu'il y a du talent là, dans cette équipe-là. Oui, parce que je te demande ça, parce que du côté de Montréal, on peut faire un peu la comparaison avec la transaction Weber-Subban. Ouais. Si ça fonctionne pas à moyen terme, clairement, ça aura été la plaque tournante du règne de Marc Bergevin. C'est la transaction qui va avoir marqué son passage comme DG avec la formation de l'Avalanche. Pour Bergevin, là, c'est le Canadien, mais pour Joe Sakic, cette transaction-là à jamais sera celle de Joe Sakic à la barre comme DG de la formation. Là, ça sera indissociable. Pour ouais, moi, mais... c'est ça fonctionne. Go, tu gardes ta job. Ça fonctionne pas. Bye-bye, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, les deux transactions se ressemblent pour une chose, c'est que ils ont été faits pour régler un problème. Piqué Subban est un problème dans le vestiaire du Canadien. On a fait cette transaction-là. Sinon, Piqué est encore avec le Canadien aujourd'hui, là. Tu sais, c'est un peu ça, là. Matt Duchesne, c'est la même chose. S'il demande pas de transaction puis il y a pas un air de bœuf, là, je veux dire, je pense qu'il est encore dans la formation. À moins qu'on ait vraiment un gros prix pour lui, là, comme on a eu dernièrement, là. Mais Piqué Subban, tu sais, contre chez Weber, un pour un. Je sais pas, moi je l'aurais pas fait là. Je pense que ça a précipité la transaction pour régler le problème plus que l'échange était positif pour Montréal. Parce qu'à court terme, oui, chez Weber, je veux dire, ça reste un excellent défenseur, mais on savait très bien que ça allait prendre deux saisons, puis après ça, ben Nashville allait être gagnant sur toute la ligne avec cette transaction-là. Mm-hmm. Oui, non, c'est ça. On savait que le rattrapage arriverait éventuellement. On pensait pas que ce serait la saison suivante, là. Oui, mais Bergevin, tu sais, il voyait que sa fenêtre d'opportunité pour les séries puis la coupe se refermait très rapidement. Puis il a dit, on va y aller all-in avec un gars d'expérience, un gars qui a un super bon lancer en avantage numérique, un gars qui est physique. Mais force est d'admettre que Weber était pas le gars de la situation. Ben, tu sais, sa première saison était très bonne. Après ça, c'est comme tu dis, dès la deuxième saison, on a déchanté là, avec Weber. Ouais. Puis t'es plate parce que Subban, il reviendra pas à Montréal. Là. Oubliez ça, il est à Nashville pour le reste de sa carrière. Potentiellement. On verra, mais disons que c'est pas demain en plus que sa carrière va se terminer. Marc-Antoine Bellaire, il revient avec une deuxième question, puis je pense que ça va clore pas mal pour Joe Sakic. Là. Il te demande carrément, est-ce que Sakic, pour toi, c'est un bon ou un mauvais DG? Premièrement, il faudrait définir c'est quoi un bon DG ou un mauvais DG. Il y en a qui ont connu des carrières, on les a reconnus à cause de 4-5 mauvaises saisons, puis après ça, ils ont bâti une excellente équipe avec des choix de repêchage, puis maintenant, ils ont gagné deux coupes en ligne, puis on se dit, ah, c'est un excellent directeur général. OK, je vais te la poser, maudit toi, je vais te la poser à l'envers. Vas-y. Aimes-tu Joe Sakic ou non comme DG? Parce que tu l'aimais comme joueur, l'aimes-tu comme DG? Je sens pas que c'est un gars. À part là, on enlève la transaction qu'il vient de faire là, avec Matt Duchesne. Il a rien fait pour le club, vraiment pour l'améliorer, si je peux dire. Avant la transaction de Matt Duchesne, il n'a pas fait grand chose pour l'améliorer. C'est le gars qui a fait que Patrick Roy est parti. Je suis pas le plus grand fan de Patrick Roy, mais entre lui puis Bednar qui est présentement derrière le banc, j'aurais préféré Roy. J'ai été le premier à dire que Bednar, l'an dernier, aurait dû perdre sa job pour aller chercher un gars, le coach qui est maintenant à Las Vegas. Comment il s'appelle? Gérard Gallant. Oui, Gérard Gallant. Oui, c'est ça. J'ai été le premier à dire dans mon podcast, faudrait, avant que Las Vegas mette la main dessus, faut aller chercher Gérard Gallant. C'est le coach qu'il faut pour une jeune équipe, justement, comme l'Avalanche. Puis on voit ce qu'il fait cette année à Las Vegas. Mais là, on a resté avec Bednar. C'est tous des moves comme ça qui fait que je peux pas dire que Joe Sakic, je l'aime en tant que directeur général, pour de vrai. Je sais qu'il n'y a pas juste lui derrière cette décision-là, mais je peux pas dire qu'il est un grand directeur général. Il a fait une très bonne transaction dernièrement, il a fait des bonnes signatures, mais sinon, je peux pas dire que c'est un grand directeur général. Moi, je te dirais que je le trouve beige, parce que Duchesne, il avait pas le choix. Il était rendu à un point où est-ce que cette formation-là coulait tranquillement pas vite au gré du babounage de Matt Duchesne. Il n'y avait pas le choix de le sortir de là. Et si tu as un jour ce genre d'élément-là, de cette qualité-là que tu dois transiger, tu essaies d'avoir le maximum en retour. C'est pas... me semble, tu sais, c'est pas comme inventer le bouton à quatre trous, là. C'est pas... Mais, oh, tadam! Tu sais, il y a une épiphanie, là. Non, ouais, mais logiquement, tu essaies d'avoir le maximum pour. Fait que moi, je le trouve beige comme DG. Ben, tu sais, il aurait pu céder à la panique l'année passée à date limite de transaction, puis 20 minutes avant l'heure limite, dire bon, OK, je vais prendre la meilleure offre, puis je m'en débarrasse. Tu sais, là-dessus, il a bien joué ses cartes, on peut dire. Il a quand même gardé, il s'est dit, l'an prochain, il va rester encore un an à son contrat, sa valeur va être aussi haute, puis les autres équipes vont savoir qu'on est vraiment sérieux, on veut vraiment de quoi de gros pour lui. Tu sais, je pense là-dessus, il a bien joué ses cartes. Mais sinon, comme je t'ai dit tantôt, je vois rien. Avec un peu de recul, j'essaie de penser parce que, évidemment, en tant que fan, je suis énormément les blogs, les forums, puis la page Facebook du club. Puis c'était juste du fire, sa kick, go away, sa kick, nice player, bad DJ, GM. Tu sais, c'était juste du négatif, puis j'étais d'accord avec ça. Mais là, il est comme devenu un peu le... Il a un peu sauvé sa carrière. Il y a un loss. Il s'est aidé un petit peu, là, il s'est rallongé un petit peu, mais ça reste que c'est une équipe qui est très fragile. On l'a vu, là, ils ont eu une séquence de 10 victoires d'affilée, puis là, ils en ont perdu 3. Ce soir, ils affrontent une équipe contre qui ils perdent souvent, c'est les Oilers d'Edmonton. Je m'attends à une 4e défaite d'affilée, donc avec la perte de McKinnon. Donc, il n'y a rien de gagné dans son cas. Là. Oui, ça va bien, c'est une bonne saison, c'est positif pour l'organisation, mais on est loin des séries éliminatoires encore. Là. C'est tellement fort dans l'Ouest. Là. Surtout leur division. Leur division ne leur donne pas de chance. Il faut qu'ils soient dans les 3 premiers de la division. Écoute, tu as Winnipeg qui a une saison incroyable. Nashville, Saint-Louis, tu as Chicago qui est là-dedans, qui n'est jamais une mauvaise équipe. Tu as Colorado, tu as Dallas. Il faut que tu sois dans les 3 premiers là-dedans. Sinon, des deux meilleurs des équipes restantes, là, c'est pas rien. Là. En ce moment, au moment de faire l'enregistrement, je rappelle, on est le 1er février 2018. L'Avalanche a 58 points, ce qui veut dire un point derrière seulement le Wild du Minnesota qui a la dernière place comme wildcard et 2 points derrière Dallas qui en ont 60 et qui ont l'avant-dernière place qui donne accès aux séries. Et là, on parle d'une course, là, il y a Calgary à 58, le Colorado à 58, 59, t'as Minnesota et Anaheim et à 60, t'as Dallas. C'est loin d'être joué, là. Puis c'est vraiment les deux places de wildcard qui sont accessibles pour l'Avalanche parce que Winnipeg est à 68 points, puis Nashville et Saint-Louis à 65. C'est, à moins d'une catastrophe, là, c'est pas accessible. Puis ça va m'amener à la prochaine question qui nous a été offerte par Martin Mathieu qui dit, en fait, qui demande si tu penses que l'absence de McKinnon suite à sa blessure, pour toi, c'est la fin des. C'est le champ du cygne pour la formation de l'Avalanche, puis on oublie ça les séries pour cette année. Ben, c'est-tu quoi? On m'a posé la même question lorsque le gardien, mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Barlamov, oui, c'est ça. Il est à sa blessure, on m'a demandé, penses-tu que l'Avalanche a des chances de faire les séries? Genre, non, oublie ça. Depuis ce temps-là, ils ont gagné comme 12 de leurs 14 derniers matchs, tu sais. Je vais pas trop m'avancer là-dedans parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent dans cette équipe-là. Mais tant aussi longtemps, on a fait des mauvais choix du côté de l'Avalanche. C'est pas compliqué. Un gars comme Tyson Jones qui a énormément de talent, qui a brûlé les ligues collégiales américaines, qui a joué tout ça, il est pas prêt pour jouer dans la Ligue nationale. On l'envoie dans le deuxième, troisième trio. T'sais, il y a plein de choses comme ça qui fait qu'il n'y a pas assez d'expérience. Les joueurs sont pas prêts pour prendre la place de joueurs de vedettes comme McKinnon. Ça va être très difficile sans McKinnon pendant 6 semaines. J'espère vraiment qu'ils vont se mettre à gagner, mais je pense que c'est vraiment le grand coup là, qui a fait mal là, à l'Avalanche. Il y a encore des... On l'a vu, là, Landeskog, lors du dernier match, McKinnon s'est blessé. Landeskog, il s'est retroussé les manches puis il a fait 2 buts. Je sais pas, on va voir si cette équipe-là a du caractère réellement. T'sais, on l'a vu, là, comme je te disais tantôt, sans gardien numéro 1, ils ont été chercher plusieurs victoires avec des arrêts incroyables de Jonathan Bernier qui a rehaussé son jeu d'un cran. Là, du côté des joueurs, j'ai hâte de voir, là, parce que pendant cette période de 10 victoires-là, le quatrième trio, le troisième trio, ils ont donné des buts. Là. Gabriel Bourque a monté son jeu. Soderberg, il y a chose aussi qui joue avec, le lancer des Islanders. Tu l'as dit tantôt, il y a au-dessus de 30 ans. Il a monté son jeu d'un cran aussi. T'sais. C'est tout des Nieto aussi qui a monté son jeu d'un cran. C'est là qu'on va voir si le leadership de Landeskog va embarquer, va dire OK boys, on a perdu un gros morceau. C'était le deuxième meilleur pointeur de la Ligue. Mais on est quoi, nous autres? On est-tu une équipe? Oui. Ben, let's go. On fonce, puis on gagne en équipe, puis on y va all-in. Parce que là l'Avalanche, dans la situation où ils sont là présentement, là, tu sais, à la date limite des transactions, dans un mois, ils vont faire quoi? Sont-tu vendeurs ou sont acheteurs, là? C'est ça. C'est la pire place que tu peux pas être, là, dans cette période-là de la saison, là. Ouais. Puis même si tu décides que t'es vendeur, t'as même pas assez de temps pour pouvoir descendre au classement puis aller améliorer ton choix. Ouais, c'est ça qui est pas évident, là. À part, se faire dépasser par Calgary puis Chicago, il y a rien qui est vraiment accessible pour descendre. Fait que, tant qu'à ça, moi, je pense qu'ils vont peut-être essayer de patcher s'ils se maintiennent la tête en dehors de l'eau, mais ça sera vraiment pas évident. Ben, je vais te dire une affaire. S'ils sont acheteurs, l'Avalanche, on va le savoir assez rapidement parce qu'ils viennent de perdre McKinnon pour 6 semaines. Donc, ça va leur prendre un attaquant là. Tu sais, s'ils le font pas là, c'est à cause qu'ils vont y aller statu quo, là, sans bouger, puis ils vont finir la saison comme ça, là. Tu sais, je regardais même l'alignement. Tu parlais de gardien de but, Varlamov, Bernier. Puis ça va m'amener vers la prochaine question. Moi, je suis loin d'être confiant avec ce duo de gardien de but-là. Je regarde la défensive. T'as Johnson, oui. T'as Zadorov, qui est plus connu. Nemeth, Girard, qu'on connaît plus. Mais penses-tu vraiment qu'ils ont un ce qu'il faut pour atteindre les séries, même si, tu sais, même si Duchesne avait été là, là? Est-ce qu'on parle vraiment d'un club qui est bon pour se rendre en série puis avoir une chance pour la prochaine étape? Moi, je suis loin d'être convaincu. Là. J'ai l'impression qu'il manque une coupe de morceaux. Là. Oh, et c'est pour ça que je te disais tantôt, là, à la date limite, on va le voir vraiment le sérieux de la chose, parce que tu peux pas aller en... Oui, ils vont peut-être, ils pourraient se classer en série, mais ils vont se faire clencher en première ronde, ça serait même pas drôle. Là. Moi, je pense pas qu'il faut que tu sacrifies des éléments pour devenir acheteur pour un truc de location. Si tu ramasses de quoi, faut que ce soit un élément qui va être là l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans. Tu peux pas faire de quoi à court terme. Faut pas que tu fasses des shortcuts. Faut pas que tu penses que t'es rendu quand t'es pas rendu. Alors, regardons le Canadien, là. Quand tu fais ça, des fois, tu te ramasses le bec à l'eau puis t'es dans le trouble par la suite des choses. Ouais, non, je pense que du côté de l'Avalanche, selon moi, là, je suis pas dans le secret des dieux. Je pense que cette année, on va prendre le positif de ce qu'on a fait. Évidemment, l'amélioration, c'était pas difficile de battre la saison de l'année passée, là, qui était une saison misérable. Mais, tu sais, le fait qu'on a fait beaucoup de points de plus, plus de victoires, plus de régularité. Les joueurs ont appris à gagner. Des joueurs comme Rantanen, qui est en train d'avoir une saison incroyable, a pris de l'expérience aussi. Et probablement que cet été, on va faire des choix en vue, justement, d'avoir une meilleure équipe pour la saison prochaine, pour avoir une équipe vraiment plus stable, faire un peu comme les Jets, puis surprendre un peu le reste de la division. Mais cette année, là, je pense pas qu'on va sacrifier des éléments pour tenter de faire les séries. Je pense qu'on prend plus le positif. Tu sais, on parlait du fameux plan quinquennal là, chez le Canadien. Je pense que pas juste le Canadien qui pense à des plans quinquennal. Je pense que bien des équipes de la Ligue aussi établissent leur développement par rapport à ça. Puis du côté de l'Avalanche, c'est vraiment dans 2 ans qu'on va voir le summum de cette équipe-là avec l'arrivée de Cale Makar, comme je disais, puis Timmins à la ligne bleue. Évidemment, ça va être des verts défenseurs, mais au moins on va tasser les... C'est plate, puis c'est un gars qui travaille fort, puis il mérite sa place dans l'équipe. Mais Mark Barberio, Tyson Barrie, qui va probablement se faire transiger également pour aller chercher un attaquant de talent. Je pense que le futur de l'Avalanche, là, on voit vraiment la grosse fenêtre d'opportunité d'ici 2 ans. Là, c'est plus vers là qu'on va s'en aller. C'est pour ça que cette année, ça me surprendrait bien gros qu'on sacrifie le noyau de l'équipe pour tenter d'améliorer ça. Oui. Tu penses c'est quoi la raison pour laquelle il y a certains joueurs que c'était des déchets dans d'autres clubs, que les autres clubs s'en sont débarrassés, puis ça fonctionne avec le Colorado? Je pense à Yakupov, André Ghetto. On parlait de Zadorov un petit peu, qui fait sa niche avec l'Avalanche, puis qu'on a quasiment sorti à coup de pied dans le cul du côté de Buffalo. Pour toi, là, qu'est-ce qui explique que ça fonctionne? Tu ne tripes pas sur le coach, il y a quand même des failles, c'est pas parfait, mais il y a quand même certains éléments qui réussissent à attirer leur épingle du jeu. Oui, non, des fois, c'est juste le style de jeu. Des fois, c'est, tu sais, il y a des entraîneurs qui préconisent plus un système de jeu plus défensif, alors que les joueurs ont le goût de peut-être plus se laisser aller, puis là, ils sont bloqués par le style de jeu ou la philosophie de l'équipe, ou des fois, c'est une mauvaise relation avec un autre joueur. Il y a plein d'éléments, là, tu sais, c'est quand même, ces joueurs-là passent beaucoup de temps avec ensemble, ils s'entraînent ensemble, la plupart du temps, ils mangent ensemble. C'est pas évident. Puis pour qu'une équipe réussisse, il faut qu'il y ait une belle chimie. Puis il y a un joueur comme Yakupov, j'ai rien à dire. Je veux pas parler contre Edmonton, mais on le voit encore cette année. Il y a un malaise dans cette équipe-là. Là. Avoir autant de talent puis se retrouver dans le fond du classement encore une fois cette année. On peut parler des qu'il manque peut-être un gardien numéro 1 dans cette équipe-là, mais il manque plein d'affaires. Ben, je pense que c'est plus des défenseurs que le gardien de but. Cam Talbot n'est pas un vilain gardien. Ouais. Il manque de c'est ça. Ils ont toujours ramassé avec leur meilleur choix au repêchage des attaquants, alors qu'il aurait fallu qu'ils misent sur la défensive parce que c'est ça qui est le plus loin à développer. Mais bon. Ouais, mais en tout cas, tu sais, bon, du côté de Yakupov, tu sais, je sens que, tu sais, on lui fait beaucoup plus confiance. Tu sais, un gars comme Samuel Girard, justement, il me le disait, j'ai demandé en entrevue, tu t'attendais-tu avec le Colorado d'être 5e, 6e ou tu t'attendais vraiment à être utilisé aussi souvent que ça? Puis il disait, non, c'est vraiment, là, du côté du Colorado, on m'a fait confiance rapidement. Puis, tu sais, on le sait que c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui s'entraide. Puis, je pense que quand tu arrives dans une équipe comme ça, t'as moins de pression que dans une équipe où t'as beaucoup d'attentes puis qu'on te demande de jouer puis de performer immédiatement. Donc, du côté du Colorado, avec la saison qu'ils ont connue l'année passée, je pense qu'ils se sont donné la philosophie de dire, écoute, on peut pas faire pire que l'année passée, on se met pas trop de pression, on joue, on s'amuse, puis on donne notre maximum, puis on verra les résultats. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a plusieurs joueurs qui ont été rejetés par d'autres équipes, qui ont trouvé leur niche là-bas, puis qui ont vu qu'on peut... Ils peuvent gagner, même si c'est pas nécessairement les joueurs qui sont appréciés dans d'autres clubs. Ben, tu sais, tout le monde ensemble à travailler en équipe, ben, ça peut fonctionner. Là. Ouais, puis quand tu joues pas avec la crainte de payer le prix à la moindre petite gaffe, t'es pas en train de double guesser chacune de tes décisions sur la glace, puis tu perds pas cette fraction de seconde-là qui justement t'amène à faire des erreurs. Comme à Montréal. Tu sais, à Montréal, là, les joueurs, là, tu sais, on le sait, c'est des professionnels, ils sont millionnaires, tout ça, mais pensez-vous qu'ils savent pas ce qui se dit sur eux autres dans les lignes ouvertes puis dans les journaux, tout ça? Ils voient tout ça aller, puis si c'est pas eux autres qui le voient, ben, ils s'en font parler par leurs amis, puis tout ça. Des fois, là, j'ai l'impression, là, que les fans de Montréal pensent que les joueurs sont insensibles à ça. Je pense que si les joueurs, les partisans, évidemment, là, les médias font beaucoup d'argent avec ça, puis c'est à cause des médias que les gens s'emportent comme ça. Là. Mais si, mettons, les gens, les partisans, s'embarqueraient pas autant émotivement dans ce dossier-là, je pense qu'il y a bien des joueurs qui se sentiraient mieux dans cette équipe-là du Canadien, puis se laisseraient peut-être mieux aller, performeraient peut-être un peu mieux. Là, parce qu'on a vu, tu sais, le pas si longtemps, des joueurs qui, dans leur clause de non-échange, ils l'élevaient pas pour venir à Montréal. Pas parce que l'équipe était mauvaise, parce qu'ils voulaient pas subir ça, cette espèce de pression-là, puis toute l'attention médiatique. Puis, tu sais, demande à un gars comme Desharnais, ouais, s'il est pas heureux à New York. Es-tu heureux, tu penses? Il se promène, ben oui. Il se fait pas déranger, il joue sa petite game, il fait des erreurs, c'est pas grave, personne n'en parle, tu sais, il se reprend le match d'après, tu sais. C'est spécial jouer à Montréal. Là. Moi, si j'étais un professionnel, là, pas sûr, même si je suis Québécois, je suis pas sûr, je triperais jouer à Montréal, ben, avoir toute cette pression-là. Là. Tout à fait. Puis la mentalité de l'organisation aussi, mais ça, écoute, dans les shows plus réguliers de la POC, on en parle en long et en large. Écoute, moi, il y a un petit truc sur lequel je voulais te parler. On a regardé un peu le travail de Joe Sakic, qu'on le trouve plutôt beige, on n'est pas tellement vendu. Une des affaires qu'il a réussi à faire l'été dernier, puis qui lui sourit jusqu'à maintenant, c'est d'aller signer un jeune joueur de centre qui se nomme Alex Kerfoot. C'est un gars que ça, pas pour me péter bretelle, mais que j'avais repêché dans ma ligue de hockey simulée. 5 ans plus tard, il arrive dans la ligue, yes! Ah ouais, OK. Ouais. Le fait que l'Avalanche soit capable d'attirer des talents qui viennent d'ailleurs, c'est pour toi, ça vient de où? Est-ce que c'est justement le fait qu'on fasse plus confiance à des jeunes talents, à des jeunes joueurs, puis qu'on tend vers la bonne direction? Ben ça, c'est le genre de joueur que tu vas pas venir. Là. Ça arrive comme ça, tu le vois dans la formation lors du premier match de la saison, tu fais comme, c'est qui ça? Là, tu sors ton Wikipédia, tu te mets à... T'aurais dû m'appeler, tu l'aurais ben dit, oui. Ben oui, ben c'est ça, t'es probablement le seul être humain sur la planète qui connaissait Alexander Kerfoot. Pas parce qu'il était pas bon, il a connu une belle carrière dans le junior et tout ça, mais c'est ça, c'est le Colorado a décidé d'aller le chercher puis de lui donner une chance, puis c'est un joueur qui est très rapide, un bon marqueur, puis évidemment c'est le joueur sur qui, mais c'est ça, je regardais là, lors du match contre Vancouver, on semble vouloir amener l'attaque vers lui en avantage numérique à la place de McKinnon. Évidemment, on est loin de Nathan McKinnon, mais il a quand même une bonne vitesse puis des bonnes mains, il pourrait quand même tirer son épingle du jeu puis aider l'équipe, mais t'es bon, t'es vraiment bon. C'est vrai. Tu sais, d'habitude, je suis pas mal sur la coche là, sur des joueurs comme ça, tu sais, un peu underdog, là, qu'on n'entend pas parler, mais qui ont du talent dans le collège américain, tout ça. Mais lui, je n'avais jamais entendu parler. Puis quand il est arrivé dans l'équipe, j'ai fait, OK, on va regarder quoi qu'il y a de l'air. Who the fuck is this guy? Ben oui, dans les premiers matchs, il scorait, puis je le voyais aller. Il y avait un bon sens du jeu. Ouais, puis très wow, rapide. Okay, wow, c'était une belle surprise, là, pour de vrai. Là. En tout cas, c'était le bout de ce que je me vantais sur le show. Ben, il m'a flatté l'orgueil. T'as tous les mérites Jubé pour de vrai. Moi, ce gars-là, je le connaissais, mais fuck all. Là. Ouais. Hey, parlons un peu de Patrick Roy, parce qu'on l'a glissé tantôt. Là. T'sais, toi, tu l'aurais préféré de le garder comme coach par rapport à Bednar. Patrick Roy, c'était un drôle de phénomène. Il voulait avoir plein pouvoir, autant DG qu'entraîneur. Toi, quelle chaise tu le préférais et... Il y a tout le temps des rumeurs. Là. Patrick Roy va devenir le DG du Canadien. Ah, Patrick Roy pour devenir le coach du Canadien. Pour vrai, a-t-il ce qu'il faut pour être à l'un de ces postes-là dans la Ligue nationale et exceller? Ben, moi, je vais te dire quelque chose, puis je ne l'ai jamais dit dans aucun podcast. Allez, là, mais vite ton cœur. C'est le fun parce qu'on s'en est parlé tantôt. Joe Sakic, on l'a trouvé comment, toi puis moi, en tant que partisan, puis connaisseur, tu sais, on connaît un peu le hockey, là, on l'a trouvé beige, tu sais, tu le dis toi-même, là. Imagine Patrick Roy, lui, qui est en bas, puis qui voit son directeur général. Rimbo! Tu penses-tu qu'il disait pas au monde qu'il était capable de faire sa job, puis faire les deux jobs à la place de Joe Sakic, puis mieux que lui? Ben oui, c'est sûr. Il est là, le malaise. Ça a jamais sorti. Tout le monde dit, ah, c'est à cause que Roy voulait faire les deux jobs. C'est pas ça. Il disait aux autres qu'il voulait faire les deux jobs, qu'il allait être meilleur à faire ces jobs-là. Puis ça a sorti, ça a tombé dans les oreilles de Sakic, puis on a tout simplement décidé de le tasser de là. Parce que Joe Sakic, ça reste quand même monsieur Avalanche, c'est Captain Joe, c'est carrément ça qui est arrivé là. Tu sais, si Patrick Roy, on le sait, c'est une grande gueule, c'est un gars qui a toujours aimé la pression, puis il a toujours aimé, tu sais, surmonter ces épreuves-là, puis réussir, puis lui, c'est ça qu'il voulait faire. L'Avalanche, il voulait vraiment prendre ce dossier-là, puis les amener jusqu'à la Coupe Stanley, comme il avait fait en tant que joueur. La seule erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dit tout haut ce qu'il pensait tout bas. Ça a tombé dans les oreilles de Joe, puis on a décidé de lui couper la tête parce qu'on s'est dit, ben Chris, on peut pas faire gagner une équipe alors que le capitaine, mais l'entraîneur-chef et le directeur général se tirent un peu par les cheveux. Là, tu sais, ça marche pas. Là. Puis c'est ça qui est arrivé dans le cas de Joe de Patrick Roy. Mais si tu me demandes la question, est-ce que Patrick Roy aurait été meilleur que Joe Sakic comme directeur général? Je pense que oui, mais tu sais, Patrick Roy n'a jamais été directeur général dans la Ligue nationale. Non, c'est vrai. Puis le junior, c'est pas la même affaire, surtout quand tu es à la barre du club riche de la Ligue presque canadienne de hockey. Là. C'est ça, exact. C'est pas la même game. Là. Quand tu es capable d'attirer des talents puis de magouiller comme Québec est capable de le faire dans le junior, c'est pas la même game que quand tu es DG de l'Avalanche Colorado, qui est un club parmi tant d'autres. Ouais, puis Patrick, j'aimais sa fougue derrière le banc. Je me rappelle encore de son tout premier match avec l'Avalanche comme entraîneur-chef. Il se pogne avec Bruce Boudreau des Mighty Ducks à l'époque. Il était coach des Mighty Ducks, puis ça se battait au travers de la baie vitrée. Je sais pas si tu t'en rappelles, là. Ça se poussait dans la baie vitrée. C'est ça qu'on avait besoin du côté de l'Avalanche, un coach qui était émotif, tout ça. Mais lui, il voulait avoir vraiment le plein contrôle. Puis il disait qu'il serait meilleur que ceux qui étaient en place. Ça fait que ça a coûté son job. Puis c'est peut-être pour ça qu'il ne se retrouve pas encore à Montréal. Parce qu'à Montréal, là, imagine, quelqu'un qui parle haut et fort comme ça à Montréal, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Ça capoterait-tu dans les médias, tu penses? C'est ça, là. Je ne suis pas sûr que ça serait très simple. Je me demande vraiment si Patrick Roy risque de se retrouver à la tête du Canadien pour ça. Je ne sais pas si, tu sais, dans le cercle très, très fermé des têtes dirigeantes de la Ligue nationale, parce que on s'entend, là, c'est toujours le même monde, ça redonne des jobs, puis ça se tape dans le dos, puis ça. C'est un cercle très fermé. Là. C'est toujours à peu près le même monde qui revient puis ont 12 vies. Là. Ouais. Comment est-ce qu'un gars comme ça, qui pissait aux oreilles de tout le monde, qui disait ce genre de choses-là par rapport au job de DG occupé par Joe Sakic, si dans le domaine très, très restreint, ça l'a pas brûlé? Là. Ouais, peut-être, je sais pas, mais il y a toujours de la place pour un Patrick Roy, je pense, dans la Ligue nationale. Si mettons que t'es vraiment mal pris, t'as besoin d'un coach émotif, ça dépend ce que tu veux faire avec ton équipe. Moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour un Patrick Roy. Mais c'est comme tu dis, peut-être que son nom, il est fait, ça a circulé dans la ligue, sa façon d'agir, sa façon de parler, peut-être, contre ses supérieurs. Tu sais, c'est peut-être tout ça qui fait que ça l'a brûlé. Mais je te dirais que moi, je sais pas, moi, je suis directeur général d'une équipe, puis je veux un entraîneur qui brasse, puis qui quand même qui connaît la game, tu sais, quand même, qui c'est un gagnant. Mais j'irais chercher Patrick Roy, je l'essaierais. Sans égard à la situation des clubs en ce moment, moi, je verrais deux équipes où est-ce que Patrick Roy pourrait être vraiment un gain, plus que juste comme un entraîneur, mais comme la figure que Patrick Roy est. Je verrais les Panthers de la Floride, parce que toutes les Bluebirds, c'est des Québécois qui vont en Floride puis qui donnent de l'argent au club. Ça pourrait être une très belle façon d'avoir du marketing. Et aussi, ben, les Coyotes de l'Arizona, tu sais, qui est un club qui cherche, qui a pas de fanbase, d'amener une vedette comme ça. Un petit peu comme Wayne Gretzky le faisait, tu sais, derrière le banc. D'aller chercher ce star power là pour faire lever le gâteau. Moi, c'est deux clubs que je verrais. Sans dire que là, ils cherchent un coach puis que ça serait un bon fit, je verrais au moins le power star de Roy qui aurait un avantage pour ces équipes-là. Ouais, ben c'est ça. Là, tu parlais de Phoenix, mais j'ai pensé tout de suite à Wayne Gretzky, un peu comme toi. Là. C'était pas nécessairement quelque chose qui a fonctionné. Mais C'est une affaire que je dis tout le temps. C'est si les deux meilleurs joueurs, ben, je vais dire les deux, là, deux très, très grands joueurs de l'histoire de la Ligue nationale n'ont pas été capables de coacher. Le Rocket, Maurice Richard, n'a pas été capable d'être un bon coach, puis le meilleur joueur de l'histoire, Wayne Gretzky, n'a pas été capable. Imaginez comment est-ce qu'être un ancien joueur, ça ne te garantit pas d'être un bon DG, d'être un bon entraîneur, d'être un bon analyste de hockey. Je trouve que c'est surévalué, ça, cette notion-là. T'as joué à la game, ça te permet d'être bon dans un autre job autour du hockey. Non, non, surtout que le hockey a changé aujourd'hui. Là, c'est pas comme dans le temps. Là. Maintenant, les joueurs, ils regardent un iPad sur le banc. Là. Avant, les coachs avaient des petits tableaux puis ils faisaient des dessins. Il y en a encore qui sont old school comme ça. Mais maintenant, les gars, ils ont tous des Wi-Fi sur le banc avec la tablette, puis ça regarde le jeu, puis ça recule la vidéo, puis ça. Ça a changé, puis c'est analysé, puis les séances de vidéos aussi, vous regardez les matchs, puis c'est pas comme dans l'ancien temps, là, tu sais, les joueurs, ils jouaient, puis ils savaient comment l'entrée de zone, si ça, on va essayer ça, ça devrait fonctionner, tu sais. Maintenant, le jeu est tellement plus rapide, tellement plus technique, c'est plus complexe, c'est pas n'importe qui peut entraîner, puis des entraîneurs de carrière, là, un gars comme Gérard Galland, justement, j'ai beaucoup de respect, c'est des gars qui font leur classe, ils ont joué dans la ligue, mais après ça, ils ont fait leur classe. Patrick Roy, là, il a fait quelques années dans le junior, puis il est tombé avec des grosses équipes, avec Radulov, tout ça. Sa première année au Colorado, ça m'avait surpris, parce que je ne sentais pas qu'il avait beaucoup d'expérience pour faire la job dans la Ligue nationale. Puis on l'a vu dans les autres années après, quand il y a eu un petit peu de difficulté, il y a eu de la misère à s'adapter. Là. Les deux autres saisons, ça n'a pas été des succès là, dans son cas. Non, fait c'est que, ça prend des entraîneurs de carrière, vraiment, qui connaissent la game, qui connaissent aussi la psychologie, quelque chose que les anciens entraîneurs ne connaissaient pas dans le temps. Tu demanderas à Mike Keenan si c'est quoi la psychologie des joueurs, et il va te dire « Hey, mange la marde », c'est un peu comme Tortorella aujourd'hui, là, tu sais. Mais il a réussi à s'affiner quand même un peu, mais oui, il reste... Il avait pas le choix, là, tu sais. La dernière fois qu'on l'a vu, il se battait là, dans le couloir avec Vancouver, là, tu sais. En deux périodes. Là. Mais tu sais, je veux dire, maintenant, les entraîneurs, c'est un gars comme Guy Boucher, c'est tous des gars qui ont des maîtrises en psychologie, en science. C'est pas juste du hockey, c'est aussi comment tu parles aux joueurs, comment tu les approches, comment tu t'adaptes, comment tu... c'est plus complexe qu'on pense. C'est pas juste un bon technicien qui va tout analyser le jeu puis le faire pratiquer les joueurs. C'est tout. C'est vraiment... Ça englobe vraiment plein d'affaires qui fait que t'es un entraîneur vraiment plus complet. Puis quand tu parles aux joueurs, ben ils t'écoutent. Parce qu'on sait que des millionnaires, là, va voir un millionnaire sur un coin de rue puis dis-lui comment faire de l'argent, il va te rire dans la face. C'est à peu près pareil. Si t'es un coach de hockey, puis tu vas voir un joueur puis tu lui dis comment jouer au hockey, il va te rire dans la face aussi. Là. C'est pour ça qu'il faut que tu ailles la bonne technique d'approche, la bonne façon de travailler. Puis c'est pas n'importe qui peut être coach. Oui, tout à fait. Mike, on est déjà à la dernière question du show. Oh. Oui, je le sais. Là, tu penses que je l'ai oublié? Tu penses que je m'en souvenais pas? Non, c'était dans ma liste de sujets. Je voulais juste conclure avec ça. La semaine passée, tu as fait une entrevue avec Samuel Girard de l'Avalanche, nouvellement avec l'Avalanche Colorado. Je veux que tu me comptes un peu comment est-ce que tu as réussi à avoir cette entrevue-là. C'était pas la première fois que tu l'avais, mais là, en plus, il est dans ton club. Je veux que tu me parles de tout ça, puis de le fait d'avoir un kid aussi apprécié qui s'en vient dans ton club. Comment t'as vécu ça? C'est quand même très cool. Oui, mais c'est ça. Il y a deux ans, lorsqu'il était... fait une histoire courte. J'ai fréquenté une fille quand je suis devenu célibataire il y a quelques années. J'ai fréquenté une fille de Québec. Puis elle venait de Robertval. Puis un soir, je l'appelle. Je dis, hey, on se voit tout ce soir? Puis on commençait à se fréquenter. Elle dit, non, elle dit, je vais au Colisée. Elle dit, je vais voir les remparts. Puis ah, les Colisées, ah ouais, puis c'est comment depuis quand t'aimes le hockey, puis ça. Ah, je vais voir la tornade de Robertval, elle dit, vient de mon coin, tout le monde parle de lui, puis ça. Puis il jouait dans le temps dans le junior avec les Cataractes de Shawinigan. C'est la première fois que j'ai entendu le nom de Samuel Girard. Puis je me suis mis à fouiller, puis à regarder, j'ai vu des vieux vidéos de lui quand il était jeune, tout ça, puis je me disais, Christy, ouais, il patine. Il y a quelque chose. Non, ouais, il y a un petit quelque chose, tu sais, il dominait, tu sais, puis là, on entend parler de lui. Premier choix de première ronde des Prédateurs, là, je me disais, ah, calice. Évidemment, si Colorado n'est pas capable de mettre la main sur un jeune talent comme ça, québécois, ça me fait chier, tout ça. Puis là, je le vois sur Facebook, j'ai dit, ben, je vais te poser la question. Moi, je suis du genre, tu sais, il y en a qui font des podcasts. Ah, je demande pas à lui, je suis trop gêné. Moi, si je prends pas la peine de demander, tu sais, au pire, il va me dire non. J'ai fait ça que toi. Moi, je te l'ai demandé. T'es venu, gars. Ouais, mais c'est pas le même genre de vedette, là. On s'entend, là. Mettons, ma soirée était plus off que la sienne là, ce soir. En tout cas. Mais tu sais, j'y demande. Puis à l'époque, évidemment, il venait de faire son tout premier camp avec les Prédateurs. Il était retourné avec les Cataractes pour jouer une autre saison junior. Oui, pas de problème. On fait l'entrevue, on a du fun ensemble. Il m'invite à une game. Tu sais, malheureusement, j'ai pas pu y aller, mais tu sais, il m'invite à une game des Cataractes. Puis en même temps, ben, j'ai parlé avec son père via Facebook, Tony, son père qui est super gentil. Hey, merci, l'entrevue avec Sam, c'est gentil. Puis tu sais, il voit que je m'occupais bien de lui, puis je connaissais la game, tout ça. Cette année, quand j'ai eu sa transaction, ben là, on est devenu amis Facebook, mais puis Samuel, j'ai écrit, ah, t'es rendu avec mon équipe, aïe, aïe. Puis là, tu sais, on s'est mis à parler, puis à un moment donné, j'ai dit, j'aimerais ça faire une entrevue avec toi, t'sais, avec un joueur de la Ligue nationale, ça serait capoté. Il fait comme oui, mais pas tout de suite. Là. Il dit, je commence à arriver avec l'équipe, tu sais, c'est tout nouveau plus tard. Okay. Puis là, évidemment, dans la Ligue nationale, maintenant, ils ont, sont rendus avec une semaine de congé par saison. Puis pendant sa semaine de congé, bien, il est allé à Robertval, chez ses parents, puis on a enregistré cette entrevue-là pendant la semaine où il était complètement en congé. Il n'y avait pas de pratique, il n'y avait rien. Ça fait que ça donnait juste bien, mais c'est vraiment. C'est comme c'est arrivé comme ça. C'est, on n'est pas des grands amis. On devait se voir même après le match. Se rencontrer après le match contre les Canadiens, puis j'ai dû partir plus rapidement. Mais des fois, ça ne donne pas. Hein? Les étoiles sont pas alignées. C'est un bon petit bonhomme. Il y a une bonne famille. Il y a des bonnes valeurs. Puis il y a du talent. Puis j'espère que le Colorado ne l'échangeront pas. Ils vont le garder. Ils vont le travailler en tant que projet. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent, ce gars-là. C'est assez malade. Ouais. Puis c'est pas évident. Hein? Les premiers pas dans la Ligue nationale, les camps, tu te sors tellement de ton environnement. Puis l'anglais, c'est la langue de travail. C'est pas nécessairement évident. Pour venir du lac, l'anglais, c'est pas la langue première. Là. À 19 ans, imagine-toi à 19 ans, tu joues, tu fais le tour des États-Unis, du Canada et des États-Unis, tu joues devant 20 000 personnes à chaque soir, t'as le monde à tes pieds, tu sais, ça prend une bonne tête sur les épaules pour gérer tout ça, puis lui, il l'a, il est chanceux, il a une bonne famille, il a des bonnes valeurs, c'est un gars qui, tu sais, il a sa blonde, c'est un bon petit joueur, moi, dans mon temps, à 19 ans, là, je recule dans le temps, là, oublie ça, là, je tombe dans le coke puis tout ça, pis ça va pas bien, là. Dans cette situation, là, ça vient mal, mon affaire, là. Je suis John Cordic numéro 2, là, tu sais, mais. Nice. Je fais des farces, là, mais c'est pas évident à 19 ans de gérer tout ça. Cet argent-là, toute cette attention-là, toute cette. C'est malade, là. Pis, t'as un rapport qui est quand même distorsionné avec la vie, là. Tu vis de quoi qu'il y a personne d'autre ou très, très peu vivre, puis en plus, t'as l'argent qu'il faut pour faire toutes les trips que tu pourrais t'imaginer. C'est sûr que ça doit être facile de déraper, là. Hey, 3 ans avant, tu joues midget 3A, là, puis tu gagnes pas une crise de scène en jouant au hockey, puis 3 ans plus tard, tu gagnes 800 000, tu sais, je veux dire, je sais pas comment il gagne, mais t'as selon moi, trois fois le salaire d'un médecin. Ben là, tu sais, c'est ça, là, bang, du jour au lendemain, à faire le sport que t'aimes, puis tu savais que t'allais faire anyway dans les 15 prochaines années de ta vie, là, tu sais, c'est comme... T'es malade à 19 ans de commencer sa carrière, là. Puis il y a très, très peu de joueurs qui peuvent se vanter de ça, là. Tu sais, parce qu'on s'entend, c'est pas un talent exceptionnel, là. Parce que la plupart des bons joueurs débutent à 20, 21. Tu sais, des bons joueurs dans la Ligue nationale. Tu sais, à moins que tu sois vraiment une vedette, que tu repêches à 18, puis tu commences tout de suite dans la Ligue. C'est rare, là. D'habitude, on te développe pendant 2, des fois 3 ans, puis après ça, ben, on t'amène dans la grosse ligue. Et en plus, avec la stature, c'est un petit gars, là. Il est 5 et 9. C'est pas le plus gros, là. Il y a une chance qu'il évite ses patins, puis qu'il y a un flair pour le jeu incroyable. Ouais, et le plus beau spinorama depuis Denis Savard en 84. Donc, non, mais faut y donner ça quand ben même. Oui, ben oui. mais Piqué a fait des popins. Oh, c'est vrai, j'avais oublié Piqué. mettons, là, tu sais, dans cette entrevue-là, y a-tu une question que tu aurais aimé ça y poser, puis que pour une raison quelconque, que tu n'aurais pas pu ou il n'y aurait pas pu te répondre, mais que tu aurais aimé savoir venant de la bouche d'un gars qui est dans la ligue? Sérieusement, c'est rare que je me retiens dans des questions. La plupart du temps, dans mes entrevues, dans le Super Métazoïde, à moins que quelqu'un vraiment commence l'entrevue et me dise écoute, Mike, avant qu'on commence, j'aimerais ça qu'on parle pas de ça, j'en parlerai pas. Mais normalement, je me laisse aller, puis au pire, c'est pas live. Donc, la personne, si mettons, il y a une question qui la gêne, il va me dire ben coupe-la. Puis moi, ma question que je voulais savoir, c'était justement par rapport à Matt Duchesne. S'il avait entendu parler qu'il y avait un malaise dans le vestiaire avant qu'il soit là, avant son échange, que si le vestiaire ça allait mal, tout ça, puis il m'a dit bah, j'étais pas trop au courant, mais je suis convaincu qu'il l'était, là, mais il a pas voulu juste pas en parler, puis c'est ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Mais je me suis essayé. C'est plus ça que je voulais savoir en gros. Tu sais, il est quand même juste 19 ans, il vient d'arriver dans l'équipe, puis il vient d'arriver dans la ligue. Tu veux pas pisser aux oreilles de personne non plus. Ça paraît pas bien. Non, c'est sûr, ça paraît pas bien, mais en même temps, c'est pas l'affaire qui me dérange le plus. Mais tu sais, je peux pas aller chercher une entrevue hyper élaborée avec un gars de 19 ans qui vient de commencer dans la ligue. Tu sais, je sais pas si c'est pas comme si que lorsque j'avais fait mon entrevue avec Simon Gagné, là, on pouvait parler bon des Jeux Olympiques, on pouvait parler des Flyers, parler de sa Coupe Stanley avec les Kings. Tu sais, il y avait plein d'affaires à parler. Tandis qu'avec lui, c'était vraiment un cadeau à moi de moi. en tant que partisan avec un joueur de la Ligue nationale de l'Avalanche. C'est, ouais. Je me suis fait plus plaisir à moi, puis en même temps, ben, je l'ai comme partagé aux auditeurs puis qui l'ont bien apprécié. Là. Mm-hmm. Moi, j'avais fait, dans le temps que j'étais animateur du côté de la Beauce, j'avais fait une entrevue avec Samuel Morin, un choix que le Canadien, un jeune joueur que le Canadien aspirait à ramasser au repêchage son année de disponibilité. C'est l'année du draft de McCarron. Donc, on cherchait clairement un plus gros bonhomme. Puis, tu sais, c'est ça, l'entrevue. C'est un kid d'âge junior, il a pas le plus gros vécu, il a vécu un camp, puis c'est ça, il s'est défoncé pendant 8 jours, puis il est revenu à sa vie normale par après. Il y a eu une bulle dans sa vie de 7-8 jours où est-ce qu'il a vécu un peu le rêve, il a pu toucher du bout des doigts ce qu'il aspire à faire dans la vie, puis il est revenu à la réalité. Ça ressemble à ça, là. Ouais, puis je veux dire une affaire, le pourcentage des joueurs qui se retrouvent dans un cas de la Ligue nationale est tellement minime que faut que tu l'apprécies ce moment-là, t'as pas le choix. Puis au Québec, ça c'est un dossier que je t'avais de travailler, puis j'ai approché Joey Junot justement pour une entrevue, ça la donne juste pas là. Je veux qu'on parle de ça moi puis lui parce qu'il développe beaucoup des jeunes joueurs. L'incapacité des Québécois à se ramasser dans la Ligue nationale, là le problème là, il se ramasse loin là. C'est rendu qu'on n'a plus le droit de jouer contact. Au nouveau Bantam. Tu sais, je me rappelle, moi, la dernière année, Pee-wee 2C, contact, je l'ai connu. Je l'ai pas joué, mais je l'ai connu. Mais je commençais, je terminais mon niveau à tombe, là. Mais j'ai connu ça la dernière année, Pee-wee 2C, où ce qu'il y avait du contact. Après ça, ils ont remis ça à Bantam puis Midget, double lettre. Puis là, on est rendu qu'on en fait pratiquement juste à partir de Midget, là. Tu sais, imagine-toi le retard que ces jeunes Québécois-là ont comparativement à tous les autres joueurs mondiaux qui commencent à jouer contact à partir de Pee-wee. Ça, c'est un problème au Québec. C'est un autre dossier. Je t'amène ça comme ça, là. Mais c'est un dossier que tu pourrais travailler toi aussi. Là. Oui. À quel point c'est difficile pour les Québécois d'arriver midget, mettons, 3A, puis d'être au même niveau que les autres joueurs partout en Amérique du Nord puis dans le reste du monde au niveau 3A. C'est épouvantable comment on peut prendre du retard sous prétexte qu'on a peur que ces jeunes-là ont des commotions cérébrales, sous prétexte qu'on a peur qu'ils se blessent, sous prétexte que de plein d'affaires dans le fond, alors que c'est là qu'il faut apprendre à se protéger. C'est pas rendu midget, les gars sont rendus trop pesants puis trop rapides pour se protéger. C'est à partir de Pee-wee Bantam, faut que tu apprennes à te protéger des mises en échec parce qu'il y a une technique pour se protéger. Faut que tu roules avec la mise en échec. Si tu apprends ça côté midget, oublie ça, il est déjà trop tard, tu as trop de retard, le jeu est trop vite pour toi puis tu vas te faire blesser. C'est là que tu vas te faire blesser. Ouais, je te dirais que je suis plus ou moins d'accord dans le sens que il y a même pas 1% des joueurs par année. Mettons la QV 1990, tu as 1% même pas des joueurs qui vont atteindre la Ligue nationale. Est-ce que ça vaut la peine de risquer cette dose potentielle de blessure-là pour ce maigre pourcentage-là qui va atteindre la Ligue nationale? Je sais pas. C'est le bémol que j'amène. Non, je comprends qu'on peut pas hypothéquer une jeunesse sous prétexte que peut-être ils vont faire la Ligue nationale, mais en même temps, je me dis, tu veux jouer la game, tu veux aspirer à plus grand, mais connais la game. C'est quoi la game? Tu sais, anyway, ça va juste être une sélection naturelle. Si tu vois que c'est pas pour toi ou tu te blesses souvent, ben tu vas arrêter. Comme moi, là, quand j'étais plus jeune, j'ai fait 3 commotions la même année. Puis je savais que c'était fini pour moi. Là. J'allais pouvoir jouer, mais juste dans des ligues de garage, des choses comme ça. Je pouvais pas aller plus loin puis jouer contact dans des plus gros niveaux parce que c'était dangereux pour ma tête et pour ma santé. Mais c'est un peu ça, tu sais, je veux dire. En tout cas, moi, je le vois comme ça en tant que philosophie. C'est que quand tu apprends plus jeune à te protéger et à mieux jouer au hockey, ben, ça va t'aider. C'est comme des outils que tu mets dans ton coffre, puis ça t'aide dans les années bantam, midget à devenir meilleur. Mais tu sais, en même temps, je comprends que statistiquement, quand tu regardes ça avec du recul, tu dis ouais, y a tellement peu de joueurs qui se ramassent en haut. On pourrait juste laisser ça de même, puis ça va être parfait. T'sais. Mais je pense que même plus large sur le développement des joueurs au Québec, la formule est peut-être pas optimale. T'as pas d'équipe, mettons Québec ou équipe Canada, qui se développe ensemble comme aux États-Unis, tu as en Finlande et en Suède. T'as ça, là, t'as des groupes en Finlande et en Suède. Je pense que c'est même des groupes de 10 joueurs qui vont être pris en charge, puis vraiment monter ensemble. En dehors de leur club respectif, c'est des façons complètement différentes de maximiser le talent. Mais bon, ça, je pense que c'est plus large que juste les mises en échec. Bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est un dossier qu'on pourrait regarder ça en tant que la POC. Je trouve ça intéressant. On se fera un show là-dessus, Mike. Oui, puis une autre suggestion, un autre sujet, comme ça, en terminant. Peut-être les joueurs disparus. Tu sais, les joueurs, il y a plein de joueurs là que je pensais à ça l'autre jour, puis je me disais, il faut que j'écrive ça à JB. Vu qu'on s'en parle, je vais te le dire directement live dans ton podcast. il y a plein de jeunes joueurs. Tu sais, un Luc Bourdon qui est mort d'un accident de moto. Ouais. Tu sais, il y a plein de noms comme ça. Peut-être essayer de faire une émission, peut-être retracer tous ces joueurs-là qui sont disparus trop rapidement et qui auraient peut-être eu une belle carrière dans la Ligue nationale. Ça pourrait être intéressant aussi, là, parce qu'il y a plein de noms là-dedans qui pourraient ressortir que de gens qui ne connaissent même pas et qui pourraient au moins se rappeler la mémoire de ces joueurs-là qui avaient vraiment une excellente chance d'avoir une grande carrière dans la Ligue nationale et qui ont connu des fins tragiques. Un gars comme Pelle Lindbergh, qui aurait pu être un des meilleurs gardiens de la Ligue, qui est décédé d'un accident d'auto aussi. T'sais, je sais que c'est très tragique, c'est très lourd comme sujet, mais ce serait bon de se remémorer ces joueurs-là. On va broyer nos vies. Mais je ne sais pas si tu connais le podcast Dread to the Tape par l'humoriste David Bocage, qui fait des entrevues avec des joueurs de la Ligue nationale, même des arbitres, des agents de joueurs, des gens qui ont frôlé la Ligue nationale ou qui ont eu quand même vécu par rapport à la Ligue nationale, particulièrement le show avec Stéphane Leroux qui dure presque 2h30, c'est magique. Ah oui? Oui, je vous invite à aller, les auditeurs, là, si vous ne connaissez pas ce show-là, c'est vraiment très, très bon. Mike, je sais que tu es moins discussion stratégie de hockey, puis que c'est un peu pour ça que la POC, tu nous écoutes plus en intermittence, mettons. Je pense que tu aimerais ça, Dread to the Tape de David Bocage. C'est un excellent podcast. Ah, ben merci pour la suggestion. Je connais le nom. J'ai jamais écouté. Je sais que David, il veut rencontrer Peter Forsberg. Là. C'est comme le but dans sa vie, là. Ouais, il a fait ça, c'est un super beau projet. Il a fait, dans le fond, une campagne Patreon puis tout ça avec un objectif genre 25 000. Ils ont ramassé des fonds, là, ils ont réussi. Et le but, c'est de se rendre là-bas, d'essayer de trouver Peter Forsberg puis de réaliser une entrevue avec lui. Ils ont déjà prévu d'autres joueurs, des Québécois, des gens qui jouent là-bas dans les ligues et vont essayer de se rendre tranquillement pas vite vers Peter Forsberg pour faire une entrevue avec lui. Très nice. C'est très, très nice, très nice comme projet. Un ancien joueur de l'Avalanche. Et là, on vient de boucler la boucle sur ce spécial de l'Avalanche du Colorado. Le joueur le plus nice ever. C'est mon préféré. Yes. Mike, merci beaucoup pour ta participation sur la POC. C'était vraiment très, très le fun de faire ça avec toi. Ah ben merci. T'as vu, je suis un passionné de l'Avalanche. Je sais que les gens, ils rient de moi, de comme bon, Mike, il va parler de ses Avalanches. Ben oui, je les aime, j'en parle sur les réseaux sociaux partout. Je suis un vrai fan, là, pour de vrai. Puis c'est un honneur que tu m'invites. On a partagé quelques petits souvenirs, puis on a partagé plein d'affaires, des souvenirs, des réflexions, certaines affaires, puis tout. Là. J'aime bien ça ton podcast. J'ai hâte de nous écouter. Je pense que ça va être bon. Tu vas voir, tu vas capoter sur comment est-ce que tu as été excellent sur le show. Ah, surtout à jeun. C'est rare que je fais un show à jeun. C'est une des rares fois. Il reste combien de gorgées, mettons, dans ta savoureuse bière? Sérieusement, j'ai bu la moitié de ma grosse bière. Sérieusement, c'est un record Guinness, un record mondial. Ça... Écoute, faut que je fasse un test d'urine, c'est pas normal. C'est le signe que t'as beaucoup parlé puis que ça a été très intéressant. Merci, Mike. Hey, merci, JB. Salutations aux auditeurs. À la prochaine. Yes. En tout cas, il y a une chose qui est claire, c'est que je vais l'envoyer au père de Samuel Girard. Il va être bien content que tu parles de son gars comme ça. Cool. Un tripeux. Puis c'est drôle, hein, parce que là-bas, il y avait un autobus de Roberval à Montréal. Oui, oui, oui. 300 personnes. Puis la moitié me connaissait. Me saluait dans le Centre Bell, puis cool. J'avais entendu l'entrevue avec Samuel Girard. Tu sais. Cool. Il y en a un, j'étais sur le bord de la patinoire pour le warm-up. Là. J'ai fait un Facebook Live là, du warm-up. Oui, je l'ai vu. Ben, en partie. Maintenant, là, ça jase. Alors, c'est ça. Là, puis, hey, Mike, là, je m'en reviens. C'était Marco, un gars qui s'appelle Marco. Hey, je te suis sur Facebook depuis l'entrevue. Puis, cool. Il parlait bien rêve. J'ai dit, super, bien cool. Hey, je vais t'écouter. Puis, en même temps, ça fait de la pub. Là. C'est ben, ça fait bien ça. Un moment donné, il y a une couple d'années, on est allé, moi et ma blonde, elle vient de Hearst, qui est la même ville que Claude Giroux, le capitaine des Flyers. Mm-hmm. Fait qu'on est allé voyage en autobus voir le Canadien Philadelphie contre les Flyers. Et ça donne de même, il y a un autobus de Hearst, de Mont, qui sont descendus de là-bas jusqu'à Philadelphie. Fait qu'on était dans l'aréna, puis on faisait des high-fives à tout le monde. Puis là, le monde dans le bus faisait « Yo, est-ce que Chris sont qui, eux autres, tabarnak? » Ah, comment ça cool. Qu'ils connaissent du monde demain? Ben c'est ça, c'est une délégation de Hearst, puis à la télé, ça avait parlé de cette délégation-là. Même dans l'aréna, il avait fait une salutation aux gens de la ville du capitaine. Fait que tu sais, c'était bien cool, là. Ouais, tantôt, j'avais noté ça, j'ai oublié d'en parler, la Nordique Nation. On aurait pu en faire une petite parenthèse. C'est vrai. J'étais du premier voyage de Nordique Nation à Long Island. C'était magique, là, carrément. On n'aurait pas parlé, mais là, je parlais tellement. Mais là. Ça s'est passé comment? Ah, c'était malade. C'était malade. Au début, là, quand je suis arrivé là, moi, je suis ben chum avec Vince Cochon de Radio X. Oui. On était tous ensemble. Quand en arrivant, tu sais, le monde nous regardait de travail, nous gelait. Puis eux autres, ils pensaient qu'on s'en venait pour voler. Un takeover, là. Oui, puis ils pensaient que Québec voulait acheter les Islanders et les déménager à ben Québec. Non. Là, ben, quoi que oui. Ben, ah, oui. Il y avait des rumeurs que. Mais tu sais, nous autres, on leur disait, nous autres, on n'est pas là pour ça. On est ici pour encourager l'équipe locale puis montrer à la Ligue nationale qu'on veut revoir les Nordiques. Si on est assez partisans pour aller écouter des games à New York, on est assez partisans pour avoir une équipe dans notre ville à Québec. Mm-hmm. C'est un peu ça. Ben oui. Puis à la fin, là, on a descendu les marches, là, toute la gang. Il y avait comme des estrades qui étaient comme. Des airs en bas, là. On est descendu les marches, les agents de sécurité nous ont laissé descendre. Tout le monde nous donnait des high fives, puis on a crié pour les Islanders, les 2 minutes de temps, là, les 2 dernières minutes de la game. Le monde, il nous disait, hey, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'ambiance de même dans l'aréna, là. Il capotait, cool. Puis ça avait fait le tour des nouvelles, puis tout, là. C'était magique, là, pour de vrai, là. Nice. Ah non, ben, ouais. Écoute, super belle expérience. Moi, je me rappelle, parce que celui qui organisait ça, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? C'est un vendeur d'assurance dans le coin de Lévis qui est le gars qui a organisé la Marche Bleue. Mario Roy. C'est ça, Mario Roy. Il faisait une émission de sport à la radio où est-ce que je travaillais en Beauce tous les mercredis soirs. Fait que moi, j'étais un peu à mes shows, puis j'étais là, puis j'écoutais le show. Je suis comme, wow, tu sais, je veux jamais être aussi proche des Nordiques que là. Oh, oui, ah, c'est fait très passionné, lui, avec. Les frères, c'est Peter qui a un club de golf dans le coin de Québec qui était venu faire une entrevue. Marianne, oui, c'est ça, qui était venu faire une entrevue, puis serrer à la pince à Marianne de Stachny. Je fais que, wow, ça pourrait te faire un bon invité, ce Black Puck, Mario Roy, pour de vrai. Oui, c'est vrai que ça pourrait être. J'avoue. Faudrait que je lance l'invitation. Ah oui, il dirait oui tout de suite. C'est un passionné, ce gars-là. C'est un bon communicateur. Oh, oui, non, il fait bien ça.